Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 39. Rappel traditionnel de notre émission, vous pouvez nous écrire sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite aussi à nous soutenir sur, via des dons en crypto-monnaie exclusivement par Monero. Tout est expliqué sur le site, sur la droite du site. Le guide explicatif pour ceux qui ne sont pas encore familiers des crypto-monnaies et plus particulièrement de Monero. Donc si vous voulez que ça continue, n'hésitez pas. Je tiens à remercier les donateurs de cette semaine qui se sont manifestés auprès de nous. Le premier qui est Robert René Boulanger. Qui nous écrit ceci, bonjour Gandalf, je t'écris pour te signaler un don de ma part de 1 Monero, soit plus ou moins 50 euros à peu près, au moment où je t'envoie cet email. J'écoute Démocratie Participative depuis la saison 2 et suis l'émission plus assidûment depuis le milieu de la saison 3. J'étais déjà convaincu politiquement avant de tomber sur vous, car j'ai suivi le Daily Stormer depuis sa création. J'étais donc charmé de découvrir que chez Démocratie Participative, un équivalent francophone au Daily Stormer. Je vis à Bruxelles et fais partie d'un groupe de camarades. Certains d'entre nous écoutent vos émissions car il y a toujours des informations intéressantes à y découvrir en plus du côté divertissant. On passe un petit coucou à notre compatriote Fulbert que l'on aimerait bien rencontrer ainsi qu'aux autres participants qui contribuent à la réussite de l'émission. C'est agréable d'avoir une émission internationale qui représente la francophonie bien comprise. Continuez à nous informer et à nous faire rire. Merci à toi, Fulbert. Alors, des compatriotes qui nous soutiennent, c'est très bien, ça me fait plaisir, hein, ça doit te faire plaisir aussi. Absolument, absolument. Oui, je pense peut-être un hasard, mais je pense savoir d'où ça vient. Enfin, je veux dire, je ne connais pas la personne elle-même, mais je crois savoir d'où ça vient. D'accord. Sans plus de précision. Don numéro 2, bonjour à toute l'équipe, je viens de vous envoyer 35 euros au titre du mois d'octobre. Salutations, je crois que c'est Jean qui nous écrit et qu'on remercie pour son soutien et tous ceux qui ont donné sans se manifester, bien sûr. Alors, il y avait une petite question là-dessus d'ailleurs que je soumets un petit peu à nos auditeurs qui éventuellement peuvent en savoir un petit peu plus. Hein, parce qu'après tout, ils ont peut-être pu expérimenter la même chose. Alors, amical salut à tous les démocrates. Je viens de voir que Changeli, donc c'est une plateforme de crypto-monnaie, ne permettait plus la conversion de Bitcoin ou autre en Monero. Donc peut-être qu'il faut vérifier par vous-même et avertir nos amis qui souhaitaient vous financer par ce biais. Pression politique due à l'anonymat du Monero, je ne sais pas. Moi, je vais me rabattre sur Kraken. Salutations et merci pour vos débats passionnants. C'est Stoker qui nous écrit. Alors, donc la question est posée. Alors, Changeli, c'était un moyen très simple de convertir en fait du Bitcoin en Monero parce qu'il faut toujours passer par une crypto-monnaie pour utiliser Monero. Donc, en fait, voilà, c'est la condition de l'anonymat, quoi. Et certains utilisaient Changeli parce qu'il est très facile d'utilisation. Il y avait des frais supplémentaires, mais c'était pas non plus très très important. C'était un peu plus élevé, mais voilà. Alors, a priori, ça ne serait plus possible si d'autres auditeurs ont expérimenté ce problème, ou bien si tout simplement ils sont au courant de modifications sur Changeli, qu'ils nous le fassent savoir, comme ça on pourra informer nos auditeurs et nos donateurs. Merci en tout cas à tous. Alors, je vais présenter les membres. On est en équipe très réduite cette semaine. Voilà. C'est comme ça, c'est les aléas, hein, c'est sûr. Mais je pense qu'elle sera dynamique. Alors bon, puisque Fulbert a pris la parole et je lui ai donné, salut à toi Fulbert. J'espère que ça gaze. J'espère que ça gaze Fulbert. Ah, ça gaze. Oh, terrible, terrible. Bonjour à toi Gandalf et bonjour à tous. Bonjour Fulbert. Et Derek aussi avec nous cette semaine. Donc en fait, on est trois cette semaine, mais rassurez-vous, on va avoir des choses à dire. Oui, écoute, salut Gandalf, salut Fulbert, salut les auditeurs. Effectivement, l'émission s'annonce tout à fait passionnante. Carabiné à tout le moins. Alors, permets-moi quand même, d'ailleurs, j'utilise la formule familière du tutoiement, je devrais plutôt vous voyez. Quelle prédiction, ô prophète de l'église de négrolatrie, quelle prophétie avez-vous annoncée la semaine dernière? Dieu vous fait part de ses desseins quelques jours à l'avance. L'Éternègre, effectivement, a pris possession de ma personne en fin d'émission dernière, en appelant ses fidèles à aller planter des gens dans la rue. La rue c'était un petit peu à côté à la préfecture, mais bon, pourquoi pas. Bah, plus haut, plus haut. Tout en haut, en fait. Voilà, donc Madame Harpon a signifié que son mari, hein, le harpon de l'Éternègre, donc, avait entendu des voix la veille de son passage à l'acte, hein, de son... Donc les voix de hein, bah, les de... voix, les voix de l'Éternègre, bien entendu. Donc... Bravo, monsieur Harpon, bravo. Bravo, Harpon de l'Éternègre. Voilà, qui d'ailleurs a rejoint son créateur. Oui. Il a rejoint, voilà. Arambe. Alors, en tout cas, voilà, prophète. J'espère que vous ferez partager nos auditeurs davantage de, comment dirais-je, de votre savoir, de votre sapience. Je sais qu'ils veulent découvrir ensemble... quelques petites vérités que voudra bien nous accorder la divinité. Bon. J'attends. Oui. Voilà. Bon. L'exercice de divination. Alors, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. C'est une rubrique maintenant qui est solidement installée, parce que, je dois bien le dire, on en reçoit énormément. Et c'est toujours riche d'expériences, de détails, et il y a toujours quelque chose à en retirer. Je suis obligé de les stocker maintenant, je les archive pour en avoir de côté. Alors, c'est vous dire. Alors, premier courrier. Bonjour, chers amis. Je voudrais vous faire part d'un phénomène inquiétant que j'ai connu au travail. Je bosse dans une multinationale et le DRH de la maison mère nord-américaine nous envoyait depuis des années des mails délirants dans le ton du politiquement correct US sur la nécessité de soutenir la diversité. Le LGBTQI+, etc. Je ne m'inquiétais pas outre mesure. Je pensais que ce genre de sottise était cantonné aux boîtes américaines et n'arriverait jamais dans notre filiale, d'autant plus que nous travaillons dans le technique avec une vraie valeur ajoutée et que la qualité du travail fourni importe quand même un peu. Je faisais erreur. Il y a plus d'un an, lors d'une réunion d'information, notre propre DRH local nous a glissé entre deux slides de résultats financiers que notre centre allait mettre l'accent sur la diversité. Il a dit ça très rapidement, l'air un peu honteux, preuve qu'il n'était pas fier de la politique qu'on lui demandait de mener. L'effet concret ne s'est pas fait attendre. Au fil des mois suivants est venu s'ajouter à notre effectif une petite horde de maghrébins, une dizaine environ, en tant que prestataires de services. Ils travaillent pour l'essentiel comme programmeurs. Ayant rapidement remarqué ce changement dans la nature du recrutement, j'ai mené une petite enquête à base de questions innocentes autour de la machine à café. Il s'avère que aucun n'avait la nationalité française et qu'ils étaient tous récemment immigrés en provenance directe de Rabat, Alger ou Tunis. Un point commun, ils étaient tous employés d'une même boîte de services française. Celle-ci avait fait toutes les démarches et tous les papiers pour faciliter leur venue. La contrepartie, c'était qu'ils étaient payés au lance-pierre. Leur salaire était très inférieur au salaire d'ingénieur débutant. Leur contrat les enchaînait avec cette société de service pendant un an. Tous m'ont affirmé qu'ils attendaient que cette année soit écoulée pour changer de boîte. Mes amis, vous connaissez le plombier polonais? Voici le programmeur maghrébin. Tel un Pakistanais obligé de vendre des babioles dans le métro pour rembourser ses passeurs, il travaille une année en état de semi-esclavage pour rembourser la société qui a permis son installation en France. Cette dernière fait de gros bénéfices en renouvelant en permanence son cheptel d'inges esclaves. Un deal gagnant-gagnant, en quelque sorte. Ah, le nom de la société. Bon, là, il nous la donne, je ne vais pas la donner pour des raisons de sécurité. En cherchant le nom de ce dirigeant, vous verrez comme un air de déjà-vu. La même engeance au profil de Toucan est à l'œuvre encore une fois. Je souhaiterais savoir si d'autres auditeurs ont connu la même chose. Bien à vous, signé Poupetto. Poupetto ne manque pas de suite dans les idées. MacDev n'est pas là cette semaine, mais je pense qu'il aurait eu des choses à dire là-dessus. Qui veut, parmi nos deux participants, en plus de moi, rajouter quelque chose? On a eu des témoignages dans ce sens. Hein. Moi, ma mémoire me l'indique. Oui, il y en a eu beaucoup. Hein, on en avait eu, je crois, dans la défense. À la défense, il y avait quelqu'un qui expliquait ça, justement, que c'était un vrai turnover complètement fou. On en avait parlé, ça nous avait même choqué, entre guillemets. C'est la fameuse histoire où finalement, oui, le fils de l'oncle maghrébin qui explique qu'il a baisé la responsable de la DRH. Oui, oui. Alors ça, c'était effectivement une société, c'était les prestataires de services. Oui, c'est du prestataire. Donc là, on est dans autre chose. Quand même. On est dans du... Oui, là, c'est en tant que... C'est des prestataires, c'est de la prestation de services, mais c'est censé être de l'ingénierie. Donc bon, lol, hein, bien entendu. Mais oui, on avait eu d'autres cas... On nous avait détaillé, en fait, il y a eu plusieurs membres qui nous ont expliqué, en fait, comment, en fait, dans le domaine de la programmation, en gros, le vrai, tous les parties vraiment dures, techniques, très exigeantes, bon, ça, c'était entre les mains des Blancs, mais que tous les tâcherons, toutes ces boîtes embauchaient massivement du maghrébin, et comme ce qu'il vient de nous expliquer, quoi. Donc, il y a une division raciale du travail, maintenant, en France. Ouais, mais c'est-à-dire des fois t'avais des maghrébins qui par les politiques de promotion de l'adversité accédaient à des postes de responsabilité où les types étaient totalement incapables et les gens qui étaient censés être sous leurs ordres faisaient le boulot et j'ai souvenir hein, on a eu un courrier comme ça hein, un type qui avait eu mal à partir avec sa hiérarchie qui était un immonde de crouille qui faisait le bougnoule quoi. Ben là de toute façon on voit bien ce qui se passe quand le national et le social ne sont plus au rendez-vous, suivez mon regard. C'est-à-dire que les juifs, c'est-à-dire les actionnaires eux ils veulent du rendu et de toute façon, s'il faut sabrer la boîte après, pas de souci. Ils déplacent les capitaux, ils contrôlent le capital, donc pour eux, c'est pas un problème. La France, comme dirait Jacques Attali, est un hôtel, donc après tout, faisons venir du maghrébin si ça permet de générer une petite marge, etc. Et si l'État retrouve son compte au niveau des taxes à la fin de l'année. Par contre, les conséquences à 10, 20, 30 ou 40 ans, c'est-à-dire au niveau génétique, donc national, ça, c'est pour le prolétaire, parce que, in fine, c'est le prolétaire qui va se prendre dans les dents, la descendance de Toufik, l'ingénieur BAC-5, qui vient justement d'arriver de Tunis ou de Rabat. Donc, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'au plan national et social, les perdants, c'est le peuple, et les gagnants, bah, c'est les puissances d'argent, évidemment. Ce sont les conseils d'administration, éventuellement Bercy, hein. Évidemment aussi, tout le monde est en cheville. Oui, à court terme, bien entendu. Ouais. Voilà, c'est, en gros, les gagnants, c'est la technocratie française, les juifs et le CAC 40. Tout ça pouvant s'additionner d'ailleurs. Hein. C'est pas... Donc, bon. Fulbert, est-ce que tu veux me dire quelque chose là-dessus? Enfin, là-dessus, une réflexion, peut-être? Bon, un constat, disons, hein, parce que, finalement, cette stratégie... C'est ce que dénonçaient certains depuis longtemps, c'est le tirer les salaires vers le bas. Moi, je n'ai pas fait tellement de constats, mais néanmoins, dans mon pays, j'ai vu par exemple les hôpitaux saturés, non pas de maghrébins, mais saturés d'Africains noirs, de nègres. Hein. Et disons, à certains postes, pas mal de postes médecins principalement, aide-soignant aussi, mais moins, me semble-t-il. Du coup, il y a eu une ce n'est pas encore constaté, mais moi je l'affirme parce que je l'ai constaté sur place, avec une chute de compétences des gens qui ne sont pas à leur place en fait. Hein. Probablement comme les ingénieurs maghrébins à la leur. Je pense que ce que découvrent les Français progressivement, des cadres, parce que là on parle de cadres, on parle d'ingénieurs très probablement. Ouais, hein, je pense ils découvrent ce que l'ouvrier a vécu voilà, dans les années 40 ans. Donc. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on peut parvenir à cette subdivision des tâches. L'idée n'était parce que encore à l'époque, parce qu'il faut voir ça aussi, c'est-à-dire que comment dire, la structure de l'économie dépend aussi de son caractère tribal. Comme une entreprise familiale, par exemple, et si tout le tissu entrepreneurial est familial ou s'approchant d'un tissu familial, notamment de grandes familles d'industriels, on peut peut-être se rapprocher de quelque chose qui pourrait être une formule acceptable, parce qu'il y a la notion de longue durée. C'est-à-dire qu'on ne mise pas que pour sa génération, même pas pour l'année, on a quand même à l'idée de faire perdurer la chose. Il y a la notion de transmission, en fait. Alors évidemment, idéalement, il faut un cadre politique pour encadrer tout ça. Mais bon, là, on n'est plus du tout là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, on est vraiment sur du court terme. Bref. Donc, il n'y a pas cette notion de transmission, il n'y a pas cette notion de fournir un effort dans la longue durée avec cette idée de bien commun. On est dans le profit à court terme. Dans le profit à court terme, si c'est ça l'objectif, c'est-à-dire que si on n'a plus en tête le bien national, le bien social, bah à ce moment-là, tout est permis, on peut faire de la flibuste en quelque sorte. Or, il y a encore 50 ans, et encore, hein, le verre était dans le fruit, on ne va pas citer les entreprises du BTP avec Bouygues, qui pour moi est une famille de criminels, hein, je le dis tout de suite, hein, pour moi, Bouygues, ce sont des criminels, ces gens, dans le secteur qu'ils occupaient à l'époque, ils n'ont pas hésité à recourir à de la main-d'œuvre maghrébine, africaine, et le procédé se poursuit. Si bien que, et au final, on le voit, c'est-à-dire qu'avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on a vu sur les 50 dernières années, avec des ouvriers peu qualifiés ou des ouvriers spécialisés, maintenant on va le voir au niveau des cadres. Hein ? Donc, les conséquences sont inévitables, c'est-à-dire qu'on va arriver à la bougnoulisation absolument complète de la société. On ne pourra pas reléguer ça dans tel ou tel quartier exclusivement, etc. Parce que ces Arabes sont plus ou moins des gens avec un certain salaire, ils n'auront pas non plus un salaire mirobolant, mais quand même un salaire supérieur à celui du maghrébin, de l'algérien au RSA, etc. Donc, bon... ça veut dire qu'ils auront accès à certains types de logements, donc à certains types de communes, etc. Donc voilà, on a un phénomène d'invasion complète. Et pour le capital en France, pour le CAC 40, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une solution. C'est une solution. Hein ? Le bien-être des Français, leur cohésion raciale, leur cohésion sociale est une variable d'ajustement. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça aussi, parce que qui c'est qui contrôle les grands médias en France ? Bon, bah. J'invite nos auditeurs à se renseigner là-dessus. Ils vont vite voir que finalement, il y a quelques mains qui tiennent les grands médias. Bon, on a quelques idées hein, de noms en tête. Hein. On a les Niels, on a les Drahi. Bon, hein, il y a quand même une tribu là qu'on devine. On a les Bolloré aussi, qui ont des origines familiales tout à fait particulières. À Jérusalem. Donc tout ça indique quand même un fil conducteur. Et voilà, et on est prisonnier de ces gens-là, et c'est eux qui font l'opinion, parce que non seulement ils contrôlent les grandes entreprises, ils contrôlent finalement l'économie française, mais en plus ils contrôlent les médias. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si jamais vous opposez à cette politique, bah, c'est très simple. C'est pas moi qui m'en plaindrai, mais je veux dire, on vous met une croix gammée sur le front, et les débats s'arrêtent. Voilà. La gauche antiraciste qui est contrôlée par qui vous savez, c'est-à-dire les juifs, font le boulot. Donc quand je parle de subdivision raciale du travail, ça marche aussi pour la domination, c'est-à-dire que les juifs gèrent les associations antiracistes qui sont là pour vous, comment dirais-je, blacklister politiquement, si jamais vous essayez de vous révolter. Leurs cousins gèrent le capital pour faire du profit, et leurs mêmes cousins sont dans l'appareil politique pour prendre les bons arbitrages au niveau des préfectures, etc. Ce qui donne au bout d'un moment la DILCRA, qui est le ministère, enfin, qui a pas rang de ministère, mais qui est un ministère, une police politique, en charge de la prise en main de la société française pour faire avancer les buts idéologiques de la juiverie en France. Voilà. Et ce qui suppose des poursuites, etc. Voilà. Bon. Donc c'est... Oui. Voilà. Donc, pour, c'est vrai que... Tu oublies, je pense, les autres cousins qui sont là pour faire de l'agitation, pour que les gouvernements paient les taxes et remboursent les dettes. Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, là, c'est les cousins d'outre-Atlantique, n'est-ce pas? Oui, les cousins d'outre-Atlantique, ou pas que. Hein, pas que. Je saurai, ce n'est pas que... Enfin, il est du continent européen, hein, malheureusement. Oui, à l'origine, bah, je veux dire, bon, là, on va dire que c'est Goldman Sachs et compagnie, bon, ce sont ces gens-là qui veulent quand même voir les créances être honorées, disons. Donc, non, le système est bien tenu, et... Bah oui, pour le programmeur ou l'ingénieur dans sa petite boîte, quand il voit ses bataillons de maghrébins arriver parlant à peine français ou avec un accent très épais, une barbe bien suspecte autour d'eux, ils se posent des questions, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, etc. Quand ils lisent Libération, ils comprennent pas ce qui se passe, parce que c'est pas ce qu'on leur explique. Quand ils ouvrent Le Monde, ils comprennent pas ce qui se passe. Quand ils ouvrent Le Figaro, qui est à la main de la famille Bloc d'Assaut, comprennent pas davantage, hein. Bloc d'Assaut, bon, la famille patriote qui arme donc les égorgeurs d'Arabie Saoudite. Oui, c'est difficile de comprendre en fait tant qu'on n'attrape pas le petit youtre qui est caché dans l'ombre en fait par le col. Tant qu'on ne le sort pas de l'ombre, on a du mal à comprendre ce qui se passe en France. Ouais. Mais quand on le met sous les projecteurs, les choses deviennent un peu plus claires, n'est-ce pas? Je trouve. D'accord. Donc voilà. Donc pour notre auditeur, oui, c'est malheureusement le nouveau régime auquel sont soumis de plus en plus d'entreprises et qui ouais, ne sont plus. Là, la boîte de notre auditeur, je crois, c'est une filiale d'une entreprise américaine, une grosse entreprise nord-américaine, donc des États-Unis. Donc oui, il y a fort à parier que cette entreprise là. Était depuis un certain temps, elle aussi empoisonnée par ce venin-là. Quoi. Donc, une stratégie de. Oui, c'est le sauce power, quoi. Ça vient, on te diffuse toute la merde un petit peu partout. C'est ça, oui. Et puis il y a vraiment l'idée d'envenimer l'Europe, de pourrir l'Europe de manière souterraine. Et quoi de mieux finalement qu'une filiale pour importer des Maghrébins, etc. Ils prennent tout en charge. Bon, c'est très intéressant, quoi, hein, ça dit tout, hein, voilà, et c'est une action subversive de la part du capital juif américain, voilà, qui veut détruire, je le répète, les pays blancs d'Europe, s'il y a des gens qui ont encore des questions, des doutes sur la question, bon, voilà. Mais même les pays blancs tout court, hein, rappelle-toi ce qui se passe dans des pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Tout à fait, ça fait pas l'ombre d'un doute. Des gars héroïques comme Brenton Tarrant, par exemple. Effectivement, il y a des choses qui se passent, effectivement. Et qui sont diabolisées ensuite par la presse juive. Deuxième courrier, les amis. Deuxième courrier. Bonjour à toute l'équipe et bonjour à toi, Gandalf, en espérant que tout le monde va bien. Bah écoute, plutôt. Je tiens aujourd'hui, dans ce mail, à apporter mon témoignage, car j'ai été victime de la machine... de l'inquisition judiciaire. Je suis un jeune Français de 22 ans, exilé à l'étranger pour des raisons politiques. À la fin du mois de juin, j'ai appris que je faisais l'objet d'une enquête due à mes tweets. En effet, sur Twitter, j'ai une petite renommée due à mes tweets hein, sur des phénomènes de société. Je suis considéré comme un polémiste. Je parle en l'occurrence du puissant lobby pédo-LGBT soutenu par le gouvernement bolchevique français qui entraîne la décadence de notre société et des valeurs familiales et prône la pédophilie. Oui, on peut le dire, oui, on est franchement maintenant dans l'apologie de la pédophilie. Mon avocat m'apprend que je suis inculpé de 5 chefs d'accusation. Les 5 chefs d'accusation sont les suivants. Atteinte à la dignité de personne en raison de l'orientation sexuelle. J'aurais dit de désorientation sexuelle pour ma part. Mais bon. Homophobie. Injure publique, sûrement due au fait que je les nomme le lobby. Harcèlement moral en raison d'une orientation sexuelle. Incitation à la haine en raison d'une orientation sexuelle. Et c'est-à-dire que t'as cinq délits possibles quand t'aimes pas les PD, en fait, tu vois. Ils aiment varier les plaisirs, si vous voulez. Alors, d'un côté, je ne suis pas étonné. Cela signifie que mes tweets qui exposent une vérité gênent et noircissent le puissant lobby LGBT d'État. À ce jour, le procureur de la République de mon ancienne ville a ouvert une enquête à mon encontre, à savoir que le dit procureur de la République est un communiste. Comment je le sais ? Parce qu'il y a 7 ans, avant sa nomination, il a participé à des événements et rencontres en lien avec le Parti communiste français, autrement dit le Parti... Oui, je me suis renseigné moi-même pour savoir à qui j'avais affaire. Le procureur de la République qui a ouvert une enquête à mon encontre est donc un procureur rouge. Encore une fois, cela ne m'étonne pas. Tout le monde ne le sait pas, mais lors d'un procès, c'est le procureur de la République qui charge l'accusé. Normalement, le procureur est censé représenter les intérêts de la société et la sécurité de cette dernière. Or, je sais pertinemment qu'il va représenter son parti politique. Ouais, enfin, la République, quoi. Oui, non, mais il y a des choses à dire. Bon, de toute façon, je poursuis. Alors, avant cette affaire, j'avais reçu sur mon adresse mail professionnel 6 mails émanant de 2 associations du puissant lobby LGBT. Ils ont donc tout simplement contre-attaqué. Je suis une tête à faire tomber. On m'accuse également de faire l'apologie de la haine avec mes dizaines de milliers de followers sur Twitter. Je ne fais que commenter les faits de société et les dérives de ce lobby. Je n'ai jamais injurié, diffamé, menacé ou harcelé gratuitement qui que ce soit. Tous mes tweets sont accompagnés d'une source vérifiable. La police française cherche à m'auditionner depuis le mois de juillet. Le tout accompagné de 24 heures de garde à vue prévue. Source, mon avocat. La police française qui cherche à se faire bien voir récemment, pourtant, c'est dommage. Mon avocat m'a déconseillé de faire la politique de la chaise vide. Il m'encourage à revenir en France. Alors là, j'ai des choses à dire là-dessus. Il est absolument hors de question que je me rende et que je me soumette au lobby pédo-LGBT et à une justice qui rappelle la lointaine époque de l'Inquisition. L'audience est déjà... Oui, enfin, ça me rappelle plutôt le... Les procès de Moscou. Mais bon. Oui, voilà, l'Inquisition. Oui. L'Inquisition essayait de justement, de précisément, essayer de contenir le problème. Mais bon, l'audience est déjà jouée d'avance, comme l'a dit un camarade démocrate qui a écrit il y a quelques semaines au sujet de propos qu'il avait tenus contre l'immigration. Il s'agit tout simplement d'une pièce de théâtre. Si je passe à la barre, je vais être le méchant homophobe, transphobe, bref, tout ce qui finit par phobe. Je suis déjà condamné d'avance. Il y a 90% de chances que je sois condamné à payer une grosse amende, plus des dommages et intérêts. Même là, il est hors de question. Il en est hors de question. Il faut savoir que les associations du puissant lobby LGBT sont financées par l'État. Je n'ai pas envie de donner une somme importante au gouvernement, hein, et de financer la déviance moderne, en plus des dommages et intérêts, à ces associations remplies de monstruosité à la laine de spermicide. Ça m'a fait marrer, ça. Alors, je ne veux pas me jeter dans le gueule du loup. Il y a réellement une chasse aux sorcières. Dès que j'ai appris cette histoire, je suis parti dans un pays étranger. Dans ce pays, je ne risque rien, car donner son avis sur une religion, une ethnie ou un parti politique n'est pas considéré comme un délit, mais une opinion parfaitement acceptable. C'est un droit. Je ne vais pas donner les détails. Je ne risque pas non plus une reconduite à la frontière ou une extradition, mais je ne vais pas cacher que quand on a toute sa famille et ses amis en France, et qu'on ne peut pas passer la frontière au risque de se faire arrêter par la police politique, c'est pas tous les jours facile. Ma famille et mes amis me manquent. À la moindre parole qui va à l'encontre de la bien-pensance collective, nous sommes considérés comme des parias. Notre propre pays dans lequel on a grandi, vécu et évolué nous déclare une guerre politique pour de simples opinions. J'ai l'impression que la population ne se rend pas compte de la réalité. Tout est tabou dans cette société dès qu'on commence à apporter des arguments et des chiffres sur la table qui contredisent la thèse officielle, telles que les camps de concentration en carton, le lobby dont il a parlé, etc. On passe au tribunal, et c'est tout. Je te remercie d'avoir lu ce courrier, et désolé pour la longueur. PS, les interventions de Titus sont très agréables et justes. Longue vie à l'équipe. Loué soit l'éternel. Alors donc c'est un jeune français qui nous écrit, 22 ans. 22 ans, c'est jeune, c'est très jeune pour faire face à la répression politique, il faut en avoir conscience. C'est une première fois aussi, je pense, c'est une première pour notre jeune ami. Alors peut-être je vais d'abord vous donner la parole, ou peut-être réagir. Moi je donnerai, je commenterai plus sur la partie technique du droit, la ça partie m'intéresse. Technique, oui. Voilà. Mais sur ce qu'il a dit là, plus relatif à la terreur rose qui prévaut désormais en France. Oui, terreur rose, donc qui est très très très lié à la terreur rouge, puisque le procureur est un horrible rouge affilié au Parti communiste. C'est ça. On aurait pu parler des Juifs, hein, si Yann Brossat était venu se foutre là-dedans. Ah bon, Oui. c'était la nouvelle tridysfonctionnalité La trifonctionnalité, oui. la tridysfonctionnalité occidentale. Les Rouges, les PD et les Juifs. Hein, bon, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, mais là, oui, c'est vrai que là, notre ami, bon, 22 ans, c'est vraiment jeune. Pour avoir été contraint de se faire bouter hors de ses terres. Ouais, écoute, j'espère qu'il va tenir le coup. Il a l'air d'avoir bien rebondi, c'est bien Bah pour déjà, lui. il a eu le réflexe de partir à l'étranger. Bon, Oui, mais quand tu pars à l'étranger, faut déjà pouvoir oui. partir à l'étranger, quoi, Oui, déjà. c'est certain. Donc il a pu le faire, donc c'est très bien pour lui. Après, oui, effectivement, à voir comment ça va se passer. Je ne sais pas si là il est recherché ou s'il y a un mandat Si, d'arrêt si. contre lui. Si, si. Il y a... Non, mais Ah, si, ouais, si, si. Oui, il y a un mandat d'arrêt. Il y a un mandat d'arrêt, bien sûr. d'accord. Bon, bah, ouais. Ces gens-là veulent nous tuer, quoi. Hein. Bon, c'est pas nouveau. Là, ils veulent le faire condamner, en Alors, l'occurrence, je précise pour. que je dis, ils veulent nous faire, non, ils veulent tuer les hétérosexuels. Hein. Oui, mais bon, oui, parce que Ça fait eux du veulent se monde, tuer déjà. ça fait du monde. Hein. Mais non, mais je le précise quand même, parce que quand on dit nous, tu sais, les gens peuvent avoir Hétérosexuels l'impression. blancs. C'est Ah les oui. nègres, bon, ça va, c'est bien. Les musulmans aussi, parce que quand même, tu vois. Non, oui, effectivement, ils veulent nous tuer, nous, gens normaux. Et accessoirement saboter nos gamins, quoi, hein. Puisque là, en gros, si notre ami est condamné et qu'il paye des dommages et intérêts à des associations qui ont fait preuve de comment dire qui ont fait preuve d'une dilatation au niveau, hein, voilà, suffisamment importante. Eh bien, ces gens-là donc pourront aller enseigner dans des écoles aux gamins comment effectuer des fellations, ce genre de trucs, hein, parce que ces gens-là interviennent dans des écoles, hein, Oui. c'est Oui, chose. au nom de la lutte contre l'islamophobie, Oui, contre contre l'homophobie. l'homophobie. Enfin, ceci Oui. étant dit, c'est parfaitement cumulable. Hein, ils n'ont pas peur de la contradiction. Voilà. Ouais, donc ces gens-là sont presque aussi terribles que les juifs, hein. Enfin, en tout cas, ils sont au moins aussi nuisibles. Alors, aussi nuisible, non, mais il s'en faut de peu. Oui. C'est vrai que les autres, ils ont quand même plusieurs millénaires d'histoire. Oui, Donc c'est vrai que oui. il y a une. Puis ils ont un État. Il n'y a pas d'État homosexuel dans le monde, tandis que les autres ont un quartier général doté de l'arme Oh. nucléaire, vous voyez. Ouais. Bah, il y a un mot Avec bien bannière pour. déployée, j'entends, vous voyez, tu vois. Mais je n'écarte pas la possibilité, si tu veux, de voir un jour les PD réclamer un État rien que pour eux. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait Oui, possible. je pense qu'ils réclameront Paris déjà. Hein. Ils Oui, bah sont en train de le l'annexion a faire. déjà eu lieu, j'ai l'impression, hein. Oui, non, mais ça sera, je pense, réclamé. C'est-à-dire que bon, une fois que les gens normaux n'auront plus, je sais pas, Droit de cité, oui, ils auront été dégagés, droit de quoi. cité, ils ont été dégagés par tel ou tel moyen. Je pense qu'ils essaieront de faire passer des lois comme quoi l'acquisition d'un bien à Paris sera Oui. autorisée que sous réserve d'avoir fait un examen anal, quoi, hein, savoir si tu as Tu eu l'envie de bien pratiques. déchirer, Est-ce que quoi. tu es un Ouais. pratiquant? C'est ça, oui. Est-ce que tu es un pratiquant? Ouais, monsieur. Bon, ces gens-là sont extrémistes, hein. Ils veulent tuer tout le monde, ils veulent saboter les gamins, enfin, ce sont des fous. Ce sont des fous. Fulbert. Bah, ils veulent saboter la société. Mais moi, je les vois pas très bien à Paris. Je les imagine plutôt dans, je ne sais pas moi, une station balnéaire, par exemple, se faire un petit territoire à la Monégasque, quelque chose comme ça. J'aurais bien Biarritz, par exemple. Hein. Je ne connais pas Biarritz, enfin, sauf pour y être passé, mais je le vois très bien là, ou quelque chose de une ville similaire. Enfin. Oui, je... oui, nous, oui. Alors, ce qu'a dit notre jeune camarade, alors déjà, c'est... Des gens peuvent faire le choix de rester en France, bien sûr, face à la répression. Ça dépend toujours du degré de répression, ça dépend de ce qu'on veut faire aussi. Bref, c'est toujours variable, ces questions-là. Mais il est parfaitement commun, désespérément commun, deux siècles d'histoire le prouvent, il est parfaitement commun, face à la répression, de passer une frontière. Hein, c'est toute l'histoire des Trotsky, des Lénine, des Adolf Hitler. N'oublions pas qu'Adolf Hitler a quitté l'Autriche pour la Bavière, parce qu'il ne voulait pas servir... Enfin, il voulait pas servir dans l'armée austro-hongroise, etc. Donc, le cas de Staline aussi, bien sûr. Bon, c'est et des gens bien moins éminents. Donc non, c'est quelque chose de parfaitement commun. Donc c'est pas tellement problématique. Je crois deviner le pays où se trouve notre ami, c'est encore moins, puisque c'est un pays qui a, au cours de l'histoire, été régulièrement le théâtre d'exils similaires, d'exils identiques. Donc c'est un choix tout à fait respectable et qui se comprend parfaitement d'un point de vue strictement politique. Pour ce qui est de ce que dit son avocat est un imbécile, je dois bien le dire. Il ne sert à rien de venir se présenter devant le poteau d'exécution. Voilà. Vous aurez peut-être droit à une cigarette. Ce sera la seule peut-être différence qu'il y aura, mais il n'y aura pas de traitement plus favorable ou que sais-je. Non, ça n'existera pas. Vous êtes, comme il l'a bien dit, ça me fait plaisir quand même de voir que ce jeune de 22 ans a compris la ficelle. Oui, à partir du moment où je suis ciblé, je suis condamné. Alors comme il est considéré comme un homophobe, parce que vous savez que la France est gouvernée par un système de réseaux. Il y a différents réseaux, je pense qu'on les décrit assez bien ici, ou d'autres le font aussi très très bien. Hein, il y a des publications qui en parlent quand même assez abondamment. Donc vous avez différents réseaux qui agissent à la fois en toute autonomie et en collaboration. Notamment le réseau homosexuel, c'est celui dont il est question ici. Le réseau juif aussi. Le réseau maçonnique, bien évidemment, qui se subdivise en toute une série d'obédiences. Vous avez ensuite les réseaux banalement politiques, hein, les coteries politiques. Vous avez les réseaux professionnels, divers et avariés, etc., etc., etc. Puis ensuite, vous avez des réseaux administratifs qui se cumulent. Alors, les qualités se cumulent. Vous pouvez être à la fois juif, énarque, franc-maçon, homosexuel, etc. Là, vous rajoutez, comment dirais-je, des points d'expérience sur votre profil de joueur, n'est-ce pas? Donc, évidemment, quand vous êtes un jeune Français de 22 ans, que vous n'avez pas d'entre-gens, que vous n'avez pas de relationnel, et que vous allez passer devant des magistrats qui, eux, sont surarmés en termes de relationnel et qui ont un projet politique, comme c'est le cas avec ce procureur du Parti communiste, qui doit probablement, d'ailleurs, pratiquer lui-même la sodomie, hein, d'ailleurs peut-être avec des Arabes, on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne sait pas. Il est tout à fait certain que le dossier est déjà gâté. Il est déjà gâté. Alors, si en plus... on imagine que se mette en branle un réseau maçonnique, etc., qui va activer le juge, etc., ça peut très vite mal se terminer. Alors, ceci étant dit, si c'est une première condamnation, il n'y aura pas de jugement particulièrement spectaculaire. En général, on se contente d'une peine d'amende si celui qui est visé par la plainte fait amende honorable, hein, voilà, qui fait teshuva et qui dit qu'il vénère l'anus, hein, qu'il se met à genoux devant... une magnifique image de l'anus venir sanglant en disant voilà je me prosterne devant la divinité et j'ai blasphémé, je le reconnais et je demande le pardon, auquel cas il aura une amende à honorer parce qu'il y a quand même la mémoire de la déportation, hein, la mémoire de tous ces dizaines de milliers d'homosexuels français déportés durant la Deuxième Guerre mondiale. Non, je déconne, on n'a pas eu un seul, mais c'est pas grave. Donc il y a quand même la mémoire, donc il y aura SOS homophobie, truc machin, comment dirais-je, j'ai la ch'touille et je me porte bien. Ouais, bon, y en a... Non mais peut-être même que tu peux être condamné à serrer la main de Jean-Luc Romero, moi, si tu veux, c'est le truc qui me hante le plus. Le putain, l'espèce de gluant là, avec cette putain. Avec... Je sais pas, moi, le Romero là, je sais pas si c'est l'Espagne ou le fait que ce soit une fiotte, ou les deux peut-être, hein, mais c'est. Putain, le type peut se pointer, hein, et être là à recevoir tes. Comment dire, ton honneur, parce que tu es censé t'humilier devant lui. Tout à fait. Donc, non. Il ne faut pas se rendre. Alors, évidemment, il y a la distance avec la famille. Bon, pour l'instant, l'affaire est en cours d'instruction. On ne sait pas si elle sera jugée. Elle est instruite. Et si elle est jugée, on ne connaît pas la nature de la condamnation. En quel cas, il y aura peut-être un sursis et ça n'ira pas plus loin. Donc, en attendant, chers auditeurs, restez où vous êtes. Laissez tout ça décanter. Et point, c'est tout. Point, c'est tout. Deuxième détail, c'est sur Twitter. Ça veut dire que vous avez été identifié. Si vous avez été identifié, c'est que vous avez eu la mauvaise idée d'utiliser votre téléphone portable personnel pour créer votre compte Twitter en France et que les enquêteurs, c'est-à-dire de la police politique, n'ont eu aucune difficulté à vous retracer. Et là, on en revient aux mesures indispensables pour préserver son anonymat. D'ailleurs, j'invite, hein, s'il y a des suggestions de nos auditeurs, par exemple, comment faire pour se doter d'un numéro anonyme ? Ou qui ne soit pas le sien personnel, etc. N'hésitez pas. Ah oui, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. On peut travailler là-dessus parce que il faut une présence sur les réseaux sociaux et il ne faut pas que la police politique contrôlée par les juifs et leur clientèle diverse, à commencer par les sodomites, ne puisse remonter des gens de chez nous qui veulent s'exprimer librement. Donc voilà. Mais il ne faut pas le faire. Il faut avoir conscience de ça. Quand on est sur Twitter et qu'on donne son numéro de téléphone personnel, on s'expose. Il ne faut pas le faire. De la même façon sur Facebook, etc. Et puis en plus, on n'en est qu'au début. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi, il y a le plan contre la cyber-haine, ce qui ne veut rien dire, encore une expression de type bolchevique, en fait pour interdire de parole les opposants. Alors ça, c'est pondu par le CRIF, on est revenu souvent sur cette loi l'année précédente, je pense, mais même encore cette année. On l'a commenté abondamment. Donc ça, c'est en place. Ça a été mis en place par au Parlement par Avia, bon, cette négresse idiote qui mord des taxis d'ailleurs quand elle n'a rien à foutre. Donc cette idiote-là, elle a simplement télégraphié la loi au niveau du Parlement pour le compte du CRIF, c'est-à-dire pour le compte des Juifs et d'Israël. Donc ils veulent des leviers, ils veulent multiplier les leviers pour renforcer toujours plus la répression. Dans ces circonstances, maintenant, quand vous exprimez sur Facebook, quand vous exprimez sur Instagram, quand vous exprimez sur Twitter, quand vous prenez la parole, même sur YouTube, vous êtes potentiellement une cible politique, et de plus en plus. Donc, soyez extrêmement prudents. Utilisez un VPN, utilisez Tor, le logiciel qui vous permet de surfer anonymement. Prenez des pseudos. N'utilisez pas vos adresses e-mail personnelles de grâce pour vous inscrire et ça. Des toute pseudos une... différents en fonction des réseaux sociaux. Voilà, oui, ah oui, pour pas vous faire recouper, parce que si vous avez les mêmes pseudos sur oui. YouTube, sur Facebook, sur machin, évidemment, les types vous recoupent, etc. Donc c'est toute une série de choses qu'il faut prendre comme mesures, enfin, c'est toute une série de mesures qu'il faut adopter pour pas que la police politique puisse vous remonter et vous retrouver devant, comme notre pauvre auditeur, devant un procureur communiste probablement homosexuel, qui veut vous faire la peau parce que vous avez fait une mauvaise blague sur les PD. Une mauvaise blague qui d'ailleurs était probablement excellente. Mais vous avez bien compris ce que je voulais dire. Donc voilà, soyez prudents. On a changé d'époque. Maintenant, c'est la décennie 2020-2030. C'est une décennie qui va être totalement policière. Au sens juif du terme. Totalement policière. L'époque où on disait ce qu'on voulait, c'est fini. Voilà, maintenant, franchement... Maintenant, on va arriver, vous allez regarder par-dessus votre épaule, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un voisin à côté avant de pouvoir... Moi, j'ai vu ça, je l'ai vécu, moi, personnellement. Je me suis retrouvé dans des cuisines avec des gens qui partageaient mes idées et qui, trouvant que je parlais trop fort, avaient peur et me disaient, attention, le voisin peut t'entendre. Et alors, quand il montrait le voisin, c'était la maison en face de la rue. Comprenez ? Donc c'était une maison à 30 mètres. Et attention quand même, voilà. C'est pour vous dire la panique qui est en train de s'emparer des masses et qui est véhiculé par la police politique juive. Voilà, donc voilà, c'est le climat qui s'installe progressivement. Et voilà, et la grande ambition, c'est d'abolir l'anonymat. Je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant, mais il y a des nouvelles dispositions qui sont en train d'être adoptées. Macron en a encore parlé au niveau européen cette semaine. Il a encore dit qu'il ne voulait pas d'anonymat. Ils vont lancer un système qui s'appelle Alicem, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui va rendre obligatoire la reconnaissance faciale pour toute démarche administrative en ligne en France, c'est-à-dire, peu importe quelle administration vous allez solliciter, vous devrez être identifié par la prise d'une vidéo avec votre téléphone portable. Voilà, alors ça c'est au début pour les... C'est piloté par le ministère de l'Intérieur, donc c'est carrément la police. La police veut votre visage, en temps réel, pour n'importe quelle démarche. Viendra le moment où on vous dira, ah bah en fait, pour des raisons sécuritaires évidentes, votre accès à Internet passera par la même condition. Voilà, donc on va vouloir vous savoir qui est où, pourquoi, simplement pour pouvoir vous poursuivre. Et voilà, c'est ni plus ni moins, et vous détruire socialement le cas échéant. Donc voilà, on rentre dans une autre phase, c'est une phase autoritaire, juive, donc il faut se prémunir. Il faut se prémunir, c'est clair. Donc voilà. Alors donc je reviens à ce que disait notre ami. Il faut surtout pas écouter cet avocat qui est un imbécile. Je le dis, je le répète, c'est un imbécile. La politique de la chaise vide est une excellente politique quand on est à l'étranger. Une excellente politique. Une excellente politique. Et d'ailleurs, je le dis aussi, dans un dossier comme celui-là, il y aura probablement du sursis. Conséquences nulles au terme de la une fois que le verdict sera prononcé, c'est-à-dire une amende à recouvrer selon telle ou telle condition, etc. Mais s'il n'y a pas de compte bancaire en France, c'est déjà réglé. Donc voilà. Bon voilà, je pense que j'ai répondu. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus? Je voulais vous poser une question. Est-il encore possible en France de se procurer une puce téléphonique, l'introduire dans son portable sans que vous ayez une trace de qui dispose de cette puce? Alors la puce, oui, par contre, si tu l'introduis dans ton téléphone, on peut recouper avec le numéro du téléphone. Donc si tu fais ça, il faut que tu aies un téléphone qui soit pas à toi, du coup, et que la carte ne soit pas à toi non plus. Les cartes, oui, on peut encore en récupérer assez facilement. Parce que l'année passée, en Belgique, ils ont pondu une nouvelle loi, bien sûr, qui obligeait les fournisseurs de communication téléphonique d'enregistrer l'identité de qui achète une puce. Vous voyez, donc, maintenant, c'est... La puce que vous avez dit directement qui vous êtes. Ah oui. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais. Je pense qu'en France, ils doivent pas aller aussi loin pour laisser les trafiquants de cam faire leur trafic tranquillement, parce que bon, ça serait un petit peu gênant que ces gens-là ne soient plus arrosés de fric, quoi, hein, en continu. Oui, ça pourrait créer du chômage. Et faire baisser le PIB, accessoirement. Ça pourrait surtout créer des troubles. Hein, oui. Ces gens-là ne mangent pas à leur faim. Hein, voilà, ça peut tourner très mal tout de suite. Hein, le vivre ensemble pourrait être remis en cause. Le vivre ensemble est effectivement une réalité précaire qui n'est jamais acquise d'avance. Il faut faire des efforts. Exactement. Troisième courrier, mes amis, je vous le livre. Très chers amis démocrates participatifs, je souhaite d'abord féliciter toute l'équipe et vous remercier pour vos émissions hebdomadaires et le contenu toujours très riche de votre site. C'est une véritable bouffée d'air pur au milieu des gaz toxiques de la pensée gauchiste cosmopolite. J'ai entamé mon processus de prise de conscience en écoutant les émissions de Henri de Lesquin sur Radio Courtoisie, mais même si certains de ses points de vue sont intéressants, je me sentais bien éloigné de cette bourgeoisie un peu fatigué aux idées de droite, certes, mais faiblarde et peu encline à désigner le véritable ennemi. De fil en aiguille, via certains forums, entre autres, j'ai découvert démocratie participative et je pense pouvoir dire que je me sens à présent pleinement démocrate participatif. Mais ceci n'est pas l'objet de ce courrier. Si je vous écris aujourd'hui, c'est pour exprimer mon désarroi et témoigner de mon « white flight » raté. J'ai la trentaine déjà bien entamée et nous vivions avec ma femme et mes enfants depuis quelques années dans une banlieue résidentielle d'une ville de province. Nous n'avions pas d'attache particulière dans cette ville, quelques amis, mais pas de famille, car celle-ci est dispersée aux quatre coins de la France. Nous n'avions pas particulièrement choisi cette ville. Ce sont des raisons professionnelles qui nous ont poussés à nous y installer. Quand nous sommes arrivés, il y avait bien quelques bicots qui vivaient par-ci par-là, mais c'était une minorité relativement peu visible et notre quartier en était préservé. Et bien entendu, ces dernières années, comme partout en France, la multiplication des métèques est devenue de plus en plus visible et de plus en plus insupportable. Je n'ai pas fait de compte précis, mais la proportion de ces cafards à vue d'œil a environ quadruplé en 5 ans. De plus, des familles entières de crouilles sont venues s'installer dans notre quartier, avec bien entendu, comme le disait feu Jacques Chirac, le bruit et l'odeur, et tous les désagréments que ce genre de population apporte invariablement où elle s'installe. Criminalité en hausse, sentiment d'insécurité, incivilité, etc. Dans l'école primaire que fréquentaient mes enfants, le résultat était évidemment à l'avenant. L'ambiance est devenue infernale et les profs n'arrivaient plus à gérer leur classe. Mes enfants n'avaient plus envie d'aller à l'école et le niveau général a chuté. Bref, le tableau classique de ce que provoque l'invasion, si chère à nos élites et à leurs amis juifs. Nous avions à un moment envisagé de quitter cette ville, mais ce n'était pas vraiment réaliste, toujours pour des raisons professionnelles. Nous avions tous les deux un travail fixe qui nous assurait des revenus nous permettant au moins de ne pas trop avoir à se soucier des fins de mois. En ce début d'année, cependant, ma femme a perdu son travail et nous avons donc à nouveau envisagé de partir. J'ai fait des démarches auprès de mon employeur pour demander une mutation dans une région plus rurale, où l'invasion semblait largement plus limitée. Par chance, ma mutation a été rapidement acceptée, et je suis parti à la recherche d'un nouveau logement, si possible dans un petit village, paisible, exempt de ses déchets humains couleur marron. La chance a continué à me sourire, car j'ai trouvé exactement ce que je cherchais, une belle maison à louer dans un village agricole relativement isolé, mais suffisamment proche de mon futur lieu de travail pour que ce soit supportable au niveau des déplacements. Après avoir visité le village et avoir observé les allées et venues des habitants, force était de constater que ne vivait ici aucun nègre et aucun bico. Il souligne, il dit aucun. Il tient vraiment à mettre l'emphase sur ce point-là. La décision fut donc prise, d'autant plus que le village possède une petite école où j'ai donc tout naturellement inscrit mes enfants. L'école possède un blog et j'ai pu constater que sur les photos de l'année précédente, il n'y avait que deux beaux petits français de souche. Je jubilais alors, quand la directrice, voyant mes enfants lors de l'inscription, s'exclama « Encore des beaux petits blonds, il y en a beaucoup cette année !» Bref, vous l'aurez compris, le bonheur d'avoir trouvé un endroit préservé de l'invasion africaine me submergea. Je dois dire que la réflexion de l'institutrice me paraît un peu bizarre, mais enfin bon. Alors, une fois le grand jour de la rentrée arrivée, je conduisis mes enfants à l'école, où ils furent pris en charge par la directrice pour les présenter à leurs classes respectives. Je partis donc travailler, confiant dans le fait que ce nouvel environnement scolaire leur serait bien plus favorable que le précédent. Une fois la journée terminée, je retournais donc les chercher, et là, le sourire n'illuminait pas vraiment leur visage. Je m'inquiétais donc de ce qui avait pu se passer, et à ma grande surprise, ma grande stupeur, ils m'expliquèrent que des enfants ne parlant pas français sont arrivés durant la journée, et qu'ils étaient très turbulents et indisciplinés. La panique s'est immédiatement emparée de moi. Et ce que je craignais me fut confirmé par la directrice de l'école le lendemain. Une famille de migrants syriens, musulmans bien entendu, venait d'être parachutée, mais par qui donc, s'interroge-t-il, dans le village. Vous pouvez deviner la colère qui s'est emparée de moi alors que nous avions trouvé un petit paradis. Ces engeances du Mordor ont donc réussi à nous rattraper et vont continuer à nous pourrir la vie. Car bien entendu, Madame la directrice nous a sorti le discours de bisounours habituel. Il faut les comprendre, ils ont vécu les choses difficiles, gna gna gna gna gna gna gna gna gna. Alors que ce sont juste de sales crouilles chez qui foutre la merde partout où ils vont est inscrit dans leur gène. Je suis profondément désappointé. Car c'était surtout pour éviter à mes enfants de se scolariser avec des métèques que nous voulions absolument partir, et voilà que ce rêve s'envole en fumée. La France est vraiment devenue un enfer, où même dans les villages les plus reculés, les plus tranquilles, on arrive à dispatcher des migrants qui viennent souiller les endroits encore vierges d'halogène. Nous ne savons pas combien de temps ils vont rester là. La mairie dit qu'elle n'a aucun moyen de le savoir, car ce n'est pas de son ressort, mais bien celui du préfet qui lui-même est télécommandé par le pouvoir central. Notre crainte est maintenant que d'autres familles du même genre débarquent, car on sait très bien que ces rats ont toujours tendance à se regrouper. Nous avons peu d'espoir quant à un éventuel départ de ces instrus, mais qui sait? Nous devrons donc encore subir comme des millions de Français. Je voulais donc partager cette triste mésaventure pour mettre en garde les démocrates participatifs. Si vous envisagez aussi un white flight, il est vraiment préférable de songer à quitter ce pays qui, jour après jour, est toujours plus gangréné par cette boue humaine. La France, dans son état actuel, est atteinte d'un cancer en phase d'être terminale. D'autres pays sont bien mieux préservés. Dans l'espoir que ce témoignage soit digne d'intérêt et qu'il soit utile à quelques-uns d'entre vous, je vous adresse à tous mes salutations participatives. Et c'est Rand qui nous écrit. Alors, merci de ce témoignage qui est très bien narré, très bien écrit, un très bon français, très limpide, très pédagogique. Qui veut réagir ? Oui, c'était un témoignage qui décrit effectivement une réalité cruelle de notre pays. C'est-à-dire que c'est la grande ventilation. Hein. On en a parlé depuis qu'on a commencé l'émission. Et les nègres et autres bougnoules qui arrivent de Dieu sait où. Enfin, Dieu sait où, en tout cas. De chez l'éternel, de chez l'éternel. Oui, oui, on sait qu'il y a des associations qui aimeraient les prendre en compte. Effectivement. Il y a Caritas, par exemple. Voilà. Hein, oui, alors si on veut. Non, mais si on s'arrête sur certains profils sociologiques, je veux quand même rappeler qu'il y a des professeurs professeurs retraités. Voilà. Les femmes ménopausées qui sont particulièrement prenantes dans cette aventure. Exactement. Notez d'ailleurs la réaction de la directrice. Hein. Bon, caricaturale. Hein. Ah, il y a beaucoup de blancs là. Ça manque de Syrien quand même. Hein. Ouais, c'est très mélanchonien comme réaction. Hein. On étoufferait presque. Oui, c'est maurassien même. Hein, c'est une réaction très maurassienne. Mais... C'est peut-être une militante de l'Action française, je ne sais pas. Donc, la ventilation des nègres et des crouilles doit se faire, et se fait, donc, comme notre auditeur nous le témoigne, absolument partout, hein, dans les moindres recoins, le moindre patelin, il doit y avoir son nègre, de préférence, son afghan, ou son syrien, ou que sais-je encore. Bon, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que ça. Hein. Bon, ça sera la phase d'après. Oui, c'est bon. On le voit avec cette histoire de migrants. En fait, bon, c'est ce qu'avait appelé Emmanuel Valls en son temps, juste après l'attentat de Charlie Hebdo. Et il avait appelé à une politique de peuplement. Le mot avait été dit. Le mot avait été dit. Ne croyez pas que ce sont des déclarations comme ça, à brûle pour point, qui n'engagent pas. Quand le Premier ministre français dit « il va falloir engager une politique de peuplement », ce n'est pas une déclaration, c'est une annonce. Oui, puis bon, c'était le Premier ministre bon, qui depuis est espagnol. Bon, voilà, c'est ça. Non, mais quand il parlait, c'est pas vraiment sa personne qui est intéressante, c'est le fait que les Juifs ont un projet derrière. Voilà, c'est ça. Alors je tiens quand même à souligner pour l'anecdote que Manuel Valls est un jeune marié, puisqu'il s'est marié avec une milliardaire en Catalogne. J'ai pu voir récemment les images de son mariage. Il était habillé comme un narcotrafiquant colombien. Ah non, mais c'était extraordinaire. Chemise blanche, pantalon blanc, chapeau blanc, bah, c'était extraordinaire. Non, mais le mec, t'avais l'impression que c'était recyclé dans le trafic d'héroïne, quoi. C'était incroyable. Ouais, avec la guitare, cocaïne pour le coup, cocaïne, mais. Oui, ça faisait très narcotrafic. Ouais. Je serais cru dans la série Narcos, il manquait plus que Pablo Escobar qui débarquait. Je crois qu'il était invité, pas le cousin, je crois. Enfin bon, non mais c'est la langue y était, enfin tout y était quoi. Bon bref, non mais on aurait du mal, non on a du mal à... Non en plus qu'il est devenu un fervent monarchiste en plus quoi. C'est ça qui est extraordinaire, le mec, bah, il défend la couronne catholique, bon. Avec beaucoup de baranes autour. Manuel Valls, si tu veux, c'est un serviteur zélé. Il a changé d'employeur, c'est tout. Ouais, c'est ça, voilà. Non, mais je crois qu'il veut maintenant carrément garrotter les républicains catalans, maintenant. Tout est possible, je veux dire. Bon, voilà. Bon, bah, ce mec-là, il y a trois ans et demi, il était à Paris, à Matignon, et il expliquait aux Gaulois médusés, tétanisés, qui ne savaient pas ce qui leur arrivait, vous savez, comme un veau qu'on amène à l'abattoir. On l'expliquait, oui, le peuple politique de peuplement, alors... les victimes ne savaient pas exactement ce que ça impliquait. Enfin, quand on dit politique de peuplement, on sent que c'est pas une bonne nouvelle, vous voyez, dans la formule. On sent que c'est pas une bonne nouvelle, je veux dire. Tu dis, ah, là, il va se passer des trucs. Et voilà. Mais en fait, oui. Et tout de suite après, on a vu le grand programme de migrants. Alors, ça a mis du temps à se déployer. Maintenant, excusez-moi. Mais je me rappelle très très bien. En 2015-2016, ça choquait l'opinion publique. Maintenant, c'est la norme. Maintenant, vous avez des antennes. Prenez la carte du territoire français, hein, elles sont toutes recensées, il y a des sites qui le font. Vous avez par région 50, 60 antennes dont le job est de servir de porte d'entrée pour ces migrants qui arrivent d'Afghanistan, du Pakistan, du Bangladesh, du Soudan, d'Érythrée, de Guinée, de Gambie. Voilà, ils arrivent là, ensuite, enfin, ils arrivent généralement sur Paris ou à la frontière franco-italienne, et ensuite ils sont pris en charge et dispatchés. Et ils arrivent comme ça très rapidement dans des villages. Moi j'ai vu des images dans la presse régionale de c'était même des titres, je connaissais même pas ces journaux, c'est pour vous dire à quel point c'était rural, c'était vraiment des tout petits journaux qui officiaient même pas à l'échelle d'un département, et qui filmaient, par exemple, je me rappelle très bien, il y avait 200 migrants nègres, des nègres, qui prenaient d'assaut une gendarmerie d'un chef-lieu. Extrêmement reculé. Et les types étaient en émeute, encadrés par le Parti communiste, comme de juste, parce qu'ils voulaient tout. Ils voulaient tout, c'est-à-dire logement, wifi, plat gratuit, halal, s'il vous plaît, une mosquée à côté, enfin, ils exigeaient tout. Et le Parti communiste, et le Parti socialiste, et les antennes locales, enfin, tous les élus de gauche, etc., s'emportant en disant, mais comment se fait-il que ces gens-là ne soient pas encore... n'aient pas reçu le tapis rouge en arrivant, quoi. Et les gendarmes, je sais pas pourquoi ils se sont pris à la gendarmerie, et les gendarmes, ils étaient comme des cons, enfermés dans leur gendarmerie. Les gendarmes étaient enfermés dans leur bâtiment, en espérant que les nègres ne se mettent pas à essayer de boulotter le mollet d'un bleu. Voilà, enfin, c'était assez étonnant. Et ça, maintenant, c'est la règle. C'est la règle de ce qui se passe en France. Ce sont des petits villages reculés. Pourquoi? Bah, d'abord, c'est ce qu'avait dit Attali. On va revenir sur ce client-là, mais c'est ce que... Parce qu'Attali a fait des déclarations là-dessus, sans aucune ambiguïté. Il a dit, voilà, on va faire revivre les campagnes. On va faire revivre les villages. Cohn-Bendit l'a dit aussi. Attali qui est une personne de gauche. Hein. Oui, bah oui, oui. Qui bizarrement, et lui aussi, voulait faire revivre les campagnes, tout comme le très, très droitiste, gaulliste, Debré. Hein, il voulait aussi refaire vivre les campagnes avec des réunionnais. Michel Debré. Hein, bah oui, c'est étrange. Une communion entre la droite et la gauche. On se demande ce qui peut les réunir. Et à 50 ans d'écart. Fascinant. C'est étonnant, hein, quand même. Hein. Il y a des convergences d'esprit. Comment dirais-je, une incredible meeting of minds. Tu vois, c'est... Une étonnante rencontre, une incroyable rencontre des esprits, effectivement. Donc, gènes. Oui, oui, des gènes. Oui, le sang de la Palestine coule bien. Alors, pour en revenir à ce que nous dit à l'expérience de notre auditeur, bon, bah, lui, il est à l'autre bout de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'en haut de la chaîne alimentaire, il y a les juifs, n'est-ce pas? Puis tout en bas, il y a les petits poissons, c'est les petits gaulois. Et eux, ils n'ont pas d'association pour se défendre. Hein. Ils n'ont pas de parti politique, parce qu'on ne va quand même pas se faire semblant. Hein. Le Front National n'est pas un parti politique qui défend les Blancs, c'est bien entendu. C'est un syndicat d'élus. Oui, qui se résume d'ailleurs à la personne de Marine Le Pen. Donc, en fait, ils sont complètement désorganisés. Et l'État qui est censé être le leur ne leur appartient plus, ce qui commence à découvrir étape par étape. Et finalement, ils découvrent qu'en fait, ils sont la variable d'ajustement. Bah, ça me fait marrer, je disais encore Rokhaya Diallo récemment, vous savez, cette négresse très persécutée qui rencontre Barack Obama pratiquement quand elle veut, qui disait oui, il y en a assez, les immigrés n'ont pas à être la variable d'ajustement d'un gouvernement autoritaire ou machin. Alors moi, je ne sais pas dans quel monde vivent ces gens-là, parce qu'ils sont sur les plateaux de télévision, ils gagnent des 1000 et des 100, ils voyagent à l'international. Mais ils expliquent qu'ils sont persécutés, et que ce sont les Gaulois du quotidien qui les persécutent. Alors que le Gaulois du quotidien, il est déjà bien heureux d'arriver à boucler ses fins de mois, et alors il est carrément au paradis, c'est le cas de le dire, quand ces gamins ne se font pas emmerder par des sales ratons agressifs qui viennent nous envahir. Voilà. Mais bon, je joue aux imbéciles, mais je sais très bien que voilà, hein, les médias étant contrôlés par qui on sait, nous dépeignent une réalité qui n'existe pas ou qui leur convienne. Alors maintenant, j'ai un peu de vous poser, je vous pose la question finalement, qu'est-ce que vous diriez à ce père de famille qui, bon, qui angoisse un peu, on le comprend, on le serait à moins, face à l'arrivée de ces Syriens dont on nous dit qu'ils sont turbulents et qu'ils foutent la merde. Oui, bah, c'est pour ça qu'ils ont quitté leur pays d'ailleurs, hein. C'est parce qu'ils foutaient la merde dans leur pays qu'ils ont quitté leur pays. C'est au bout d'un moment, ils foutaient tellement la merde dans leur pays, ils ont dit tiens, on va foutre la merde ailleurs, ouais, bah, c'est ce qu'ils font. Voilà, donc, c'est comme les Algériens, c'est pareil. Bah, c'est comme tout ce qui n'est pas blanc en fait. C'est franchement assez simple à comprendre. Mais est-ce que vous auriez quelque chose à dire pratiquement quoi, voilà, est-ce qu'il doit s'en faire, est-ce que ça va aller, est-ce qu'il y a des mesures à prendre, qu'est-ce qu'il conseillerait? Je l'inviterais quand même à relativiser la chose si tu veux. Bon, c'est vrai que bon, si la filière du ventilateur à nègre était amenée à se développer, là il y aurait du souci. Pour l'instant, ça reste 2-3 crouilles qui foutent le bordel. Ça reste quelque chose qui est, en tout cas, moi qui grandis dans les débuts des années 90, des crouilles, j'en avais encore plus que ça. Donc bon, maintenant, dans les villes, c'est pire. Là, s'il n'y en a que quelques-uns, on arrive quand même à... On peut quand même penser que les gamins évolueront, si ça n'en reste qu'à ça, dans un environnement qui sera propice à leur développement normal. Faut l'espérer. Je pense que la question qui se pose, c'est pas... ça fait déjà quand même deux oiseaux hein, qui sont bazardés dans le truc, et il en faut peu pour parvenir à ruiner l'ambiance. Ça, c'est fascinant, parce que il en faut deux pour ruiner complètement une classe. Oui, bah oui. Faut mesurer ça. Vous avez 30 enfants blancs, ça se passe relativement bien. Vous mettez deux bougnoules, c'est la fin, c'est fini. C'est le foutoir, il interrompt le cours n'importe quand, etc. Enfin, c'est dans leur gène. Mais par contre, je le dis aussi, quand ils sont que deux dans une école intégralement blanche, ils se font très vite victimiser. Ça, c'est qui est marrant, c'est très drôle. C'est-à-dire que tout le monde les prend pour des caliméros et les font chier. C'est très marrant. Mais c'est bien qu'il y en ait quelques-uns pour qu'on sache à quoi on a affaire, tu vois. Voilà, non, il n'y a pas de phénomène... Ça sert de leçon, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, moi, je me méfierais beaucoup plus, en fait, de l'encadrement pédagogique, comme on dit de nos jours. C'est-à-dire, justement, de cette directrice, hein, qui va vouloir encore sauver le tiers-monde à domicile. Ça, je me méfie beaucoup de ces gens-là, comme de la peste, en réalité. Ouais. Donc, je l'aurai à l'œil. Là, ce serait bien de commencer à faire du réseau parmi les parents d'élèves, quoi, pour voilà, voir un petit peu comment ça se passe, comment sont perçus ces orques là qui arrivent, et puis contrer l'inévitable propagande qui aura lieu de la part de ces connards de profs de merde. Alors surveillez bien, par exemple, les tentatives. Des profs, parce que ce qu'ils aiment bien faire, apprendre des poèmes en syrien, hein. Voilà, c'est ça, réciter, ouais, des chansons. Les enfants, aujourd'hui, hein, on va apprendre un poème sur l'histoire d'un prince en Arabie, parce que vous savez, votre petit Souad Ben Mokhtar Abdulafa machin, il faut quand même que vous compreniez qu'il vient de loin. Oula, alors quand ça commence comme ça, là il faut recadrer le prof et dire on n'est pas là pour ça, on est là pour apprendre le français, et si vous avez du mal à comprendre, même je vais vous l'expliquer, c'est moi qui vais commencer à faire de la pédagogie. Il faut tout de suite les cadrer, ces gens. Ce sont des rats. N'oubliez jamais ça. Hein. Ce sont des rats. Voilà. Donc réseautage niveau des parents d'élèves, c'est la meilleure chose à faire. Tout à fait. Ça, il faut vraiment avoir ça. De toute façon, c'est simple. Hein. Les profs, les instits, il faut les surveiller comme le lait sur le feu. Et vous avez le nombre pour vous. Dans ce cas-là, dans les villages comme ça, vous avez le nombre pour vous. A priori. Alors après, si vous êtes parti dans un coin de campagne rouge, ça existe. Je ne citerai que la Corrèze. Hein. On parle de Chirac. Et l'Aude. Les rues Maurice Thorez dans des villages paumés au milieu de nulle part, c'est vrai que ça donne des frissons. Hein. Ça fait peur, ouais, ça fait peur. Et, ah ouais, ça me trompe. Voilà, donc je ne connais pas le canton où se trouve notre auditeur, mais ça compte. Il faut regarder un petit peu quelle est l'ambiance générale dans le pays. Faut prendre le pouls au niveau des parents d'élèves, etc. Il faut dire, voilà, il faut pas ici qu'il y ait de problème qui se passe. Et il faut pas hésiter non plus, très important, à aller voir le maire. Foutre un coup de pression au maire, ça opère toujours des miracles, ça. Parce que le maire a la trouille, attention, hein, le maire, il a la trouille du préfet, parce qu'ils sont tous au garde à vous, ils ont le doigt sur la couture dès que le préfet appelle, ils sont comme ça. Mais un bon coup de pression de la population, ah, le malaise commence à se faire jour, le maire, là, il va commencer peut-être aussi à dire, bon, mollo un petit peu, là, tout le monde, là, sur le truc, on va peut-être se calmer, quoi. Donc il faut se défendre, en gros, il faut se défendre, il faut s'organiser, il faut se défendre, toujours. Toujours. Et bien comprendre une chose, les pouvoirs publics sont hypocrites. Et ils ne craignent rien tant que la clameur populaire. Ils ont très peur de la clameur populaire. Un préfet a peur de la clameur populaire, parce qu'ils sont notés tous ces cons. Vous savez, c'est l'administration, les gens ne savent pas ça. Les gens qui sont de l'autre côté, qui vivent au quotidien, je veux dire, enfin, les gens normaux, quoi, ne savent pas à quel point les fonctionnaires sont évalués, ils sont notés. Donc quand un préfet il se retrouve au cœur d'une polémique, etc., c'est jamais bon, parce qu'après c'est retenu sur son pédigré, et on dit, bah tu vois, lui, quand il y a une affaire de migrants, il sait pas s'y prendre. Donc ça le limite après dans sa carrière. C'est-à-dire que si le mec est estampillé tocard vis-à-vis des affaires de migrants, s'il y a des départements où il y a beaucoup de migrants, et c'est le cas notamment dans les grands départements, avec beaucoup de population, on va pas trop les prendre, ces mecs-là, vous voyez. Donc, il faut savoir appliquer le coup de pression, et sur les élus, etc. Bon, ça, il faut le faire en réseautage, il faut savoir se faire comprendre, faut pas hésiter à demander des rendez-vous, hein, monsieur le maire, j'aimerais vous parler. Je vous assure qu'un maire, vous le voyez droit dans les yeux, dans son bureau, entre quatre murs, il va pas pouvoir tellement se défausser. Il va essayer de partir en biais, mais vous recadrez bien la discussion, vous lui dites voilà, comme ça, n'hésitez pas en plus à enregistrer avec votre téléphone portable, maintenant, hein, toutes les applications qu'il y a, enregistrez toute la conversation comme ça dans votre poche, et si jamais le type essaie de vous faire un faux plan, etc., mais il avait dit ça à telle époque, etc., vous mettez ça sur les réseaux sociaux, ça fait toujours un carton, etc., on a des moyens pour se défendre aujourd'hui, c'était pas le cas avant. Donc évidemment, vous évitez les sorties racistes tapageuses, vous jouez le jeu de la légalité, mais vous faites bien comprendre que c'est pas Tombouctou. Voilà. Et qu'il y a du répondant. Voilà. C'est ce que j'aurais à conseiller, quoi. Mais a priori, bon, comme ça, sur l'affaire, bon, c'est vrai que c'est malheureux, parce que l'auditeur essaye de se dépatouiller, d'épargner ça à ses gosses. Bon, il voit un raton, un migrant qui vient de Syrie, il se dit, putain, mais c'est quoi le truc? C'est l'enfer, ici. Je suis poursuivi, quoi. Symboliquement, c'est fort. Psychologiquement, c'est fort. En ceci étant dit, Ça ne compromet pas la suite. Par contre, faut vraiment observer, parce qu'il a raison aussi d'être prudent, est-ce qu'ils vont pas faire débarquer? Parce que les autres, ils testent. C'est vraiment comme ça. Hein. C'est un État géré par des pirates. Donc ces gens-là, ils envoient des migrants dans certaines zones, ils regardent les réactions, si ça résiste, si ça tousse, ils disent, vous voyez, là, le taux de résistance, il est très vite atteint, on va aller voir dans un autre canton. S'ils voient que les gens, ils ferment leur gueule, ils disent, on peut en mettre encore. Donc c'est un peu ce que je trouve qui est frappant en France, c'est une culture de la passivité, de la cistana. Les gens ont l'habitude que l'État leur fasse tout, et ils partent du principe que l'État est bienveillant. Non, en France, l'État est mafieux, et vous mettra toujours devant des politiques qui sont faites à votre détriment, et pour servir les intérêts à la fois des technocrates, des politiciens, point barre. Donc ne leur faites pas confiance. Ces gens-là essaieront de vous avoir pour tirer la couverture à eux. Donc, ayez du répondant, toujours. Voilà. Je suis désolé de m'étendre un peu, mais je parle d'expérience, parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, et je sais comment ils opèrent, ces gens. Et ils chassent en meute, parce qu'ils ont l'organisation pour eux. Quand ils voient que ça tousse un peu, ils aiment bien utiliser la gendarmerie aussi, ça c'est leur grand truc. Ils disent, allez, on va montrer quelques uniformes un petit peu pour faire rentrer, pour faire rentrer un peu la populace dans ces chaumières. Quand ils voient que ça résiste vraiment, là, ils commencent à se poser des questions. Donc je parle vraiment d'expérience, je vous le dis, faut tenir tête à ces gens-là. Parce qu'ils sont pas des courageux, ils sont pas des foudres de guerre. Ils utilisent des institutions, mais si vous faites les choses bien, dans les règles, et que vous résistez, ils esquivent, ils passent à autre chose. Voilà. Derrick ou Fulbert, sur cette colonisation par le bas. Oui, Ça se voit un peu partout, c'est ça le problème. On a divisé les gens de façon, disons, par le biais du domaine social dans le passé. Les gens se regardent, je parle des gens, des indigènes, nous les Blancs, se regardaient de travers. Maintenant, il y a un début de rassemblement quand même, grâce à l'immigration, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais je vois que dans mon pays, par exemple, ils ont un petit peu entamé la même méthode, mais très légèrement différente. Ils ont installé à travers tout le pays des centres d'accueil d'immigrants, y compris dans des petites villes, voire dans des villages. Vous voyez, moi, je me souviens, ça remonte à loin, sûrement à 10-15 ans, d'une petite ville qui est plutôt un gros village qu'une ville, qui avait par exemple un village de vacances. Vous savez, c'était que des bungalows en bois. Ouais. Dans ces centres de vacances, on a l'habitude, les plus âgés, là, les retraités, certains avaient pour habitude de ne pas louer, mais d'acheter carrément un bungalow et d'y terminer leur vie. Dans un milieu relativement agréable, hein, entretenu, soigné. Et comme en hiver, il y a la mauvaise saison, il n'y a pas de vacanciers, de nombreux bungalows étaient libres. Donc, comme la politique est à l'immigration, les enculés qui dirigeaient le patelin ont invité des immigrés à s'installer provisoirement dans le centre de vacances, hein, dans les bungalows, et les vieux se sont retrouvés dans un village nègre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à essayer de vouloir revendre leur bungalow parce que ça devenait insupportable. Le lieu était beaucoup moins agréable, mais ils ne savaient pas le vendre parce que plus personne ne voulait s'installer. Une fois que les gens voyaient, les candidats acheteurs voyaient que ils arrivaient tout de suite, comme tu le disais tout à l'heure, à Tombouctou, ils n'en voulaient plus. Et ça, c'est ce qui a été pratiqué en Belgique, et qui l'est certainement toujours à l'heure actuelle. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Comment dire, il faut être extrêmement vigilant au plan local, et il faut faire jouer la solidarité. C'est vrai qu'on est dans une phase actuellement. Je pense que ça, c'est ça va être le grand combat du 21e siècle en Europe, à mon avis. Ça va être de forger un esprit de communauté raciale. Ça, c'est le grand combat, parce que là, actuellement, dans une phase d'individualisme très accentué, finalement, et les gens ont cette culture du service, vous savez, ils ont cette culture de la consommation et du service, où tout est tarifé. Donc, déjà, ils n'ont pas la culture... Enfin, comment ça ? Là, je généralise, évidemment. D'abord, tout le monde a toujours plus ou moins la culture du don, mais c'est plus ou moins cultivé ou plus ou moins obéré par le contexte. Il y a un habitus, quand même. Donc là, on est quand même dans une société qui exacerbe la satisfaction d'un plaisir immédiat. On active, en fait, dans le cerveau des hormones de satisfaction immédiate. Quelque chose assez trivial, hein, mais on met beaucoup de sucre dans les boissons parce que ça active un rush de plaisir immédiat. Vous voyez, ça on n'en a pas besoin, mais les grandes entreprises le font. Et en fait, ce principe est décliné à l'infini. Donc, on est constamment dans la recherche du plaisir immédiat, tarifé, et on ne se soucie pas du bien du voisin, qu'on ne voit pas comme un frère. Ça, c'est tout le problème. L'autre problème qui va avec ça, c'est-à-dire que la gauche, ou diverses organisations qui sont affiliées à la gauche, prétendent parler d'une fraternité, mais qui est une fraternité abstraite et qui n'est pas opérative. Eux, ils parlent d'une fraternité qui est une fraternité qui n'est pas incarnée. C'est une fraternité cosmopolite, et d'ailleurs dont la préférence va d'abord à l'étranger, le plus lointain possible, et ensuite, du plus lointain au plus proche, en quelque sorte. Hein. Et puis finalement, la dernière roue du carrosse, c'est celui qui habite là, dont les ancêtres ont toujours été là. Nous, on doit procéder exactement de l'inverse. Notre sentiment de fraternité, notre effort de fraternité, doit d'abord commencer par les gens de notre peuple. Donc ça va commencer par nos proches immédiats, et puis ensuite par cercle concentrique. Et ça, c'est vraiment le grand défi. Mais c'est une question d'esprit. C'est une question d'esprit. Il faut qu'on insuffle cet esprit. Ça, c'est le grand défi. Mais ça, ça se décrète pas, un truc comme ça. Il suffit pas de le dire, si vous voulez, comme dans un amphithéâtre, le ferait un professeur à propos d'un objet qu'il décrit. C'est quelque chose qui ne pourra s'arracher, s'obtenir, que dans la douleur, que dans la souffrance. C'est-à-dire que c'est dans la nécessité et dans l'adversité que cet esprit de fraternité va se forger. Exactement, d'ailleurs, bon, je fais une analogie, mais c'est différent, mais comme l'esprit de fraternité de combat a émergé de la guerre 14-18. On peut pas comprendre les phénomènes des fascismes et les phénomènes des corps francs, et bien évidemment des chemises brunes qui sont décrites sous des traits complètement absurdes par la presse juive et la presse de gauche. On ne peut pas comprendre cette fraternité si on ne comprend pas que ces gens ont créé cet esprit dans les tranchées. Comme les Français d'ailleurs, je veux dire, les poilus, les croix de feu, etc., c'est l'esprit de camaraderie des tranchées. Mais ça veut dire de risquer ensemble sa peau. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui commence à se passer. Alors malheureusement, actuellement, nos frères de race sont coincés dans un système politique et dans une organisation sociale qui fait tout pour les empêcher, qui fait tout, oui, pour empêcher cet instinct naturel et ce besoin de s'exprimer. Et c'est d'ailleurs tout le rôle de l'état social actuel, qui est un état cosmopolite, qui est un état bâtard, qui fait passer l'étranger avant les autres. Je veux dire, comme vous le savez, postuler pour un HLM, regardez les noms sur la liste d'attente, vous verrez qui est en haut et qui est en bas. C'est très clair. Et ben là, c'est la même chose pour ces enfants. C'est-à-dire que vos gosses sont dans une école, il faut que votre instinct de conservation et de préservation joue, parce qu'il faut que la sécurité des gosses, des autres parents, vous concerne pratiquement autant que la sécurité de vos propres gosses. Parce qu'en fait, si la sécurité des gosses, des autres parents, est en jeu, fatalement, celle de votre gosse est aussi en jeu. Donc, voilà, ça, c'est pour moi le grand combat immédiat et du futur. C'est vrai que les gens sont désemparés, parce que c'est ça qui est terrible, c'est que l'appareil, donc la seule chose qui est organisée aujourd'hui en France, c'est l'État, nonobstant les organisations communautaires. Regardez les Juifs, ils sont très organisés, par exemple. Donc c'est l'État qui est organisé, et lui, il a tout ce qu'il faut pour réprimer les Blancs qui veulent se défendre. Donc le grand défi, ça va être de créer des réseaux de solidarité qui pallient au manque et qui soient capables de tenir face à nos ennemis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut déployer la bannière raciste. C'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Mais l'esprit, c'est de défendre les nôtres, au quotidien, dans notre milieu. Et ça, c'est faisable. C'est faisable, notamment dans le cas d'espèce, ici, comment dirais-je, en étant très vigilant, en allant démarcher les parents, en disant, voilà, là, il faut être très vigilant avec ce qui va se passer. Ceci étant dit, il faut être prudent. Parce que on peut avoir des opposants aussi, des mouchards, hein, des gens de gauche qui sont incrustés. Donc il faut toujours être prudent, il faut regarder, mais c'est l'étape suivante inévitable. Parce que dans une société en voie d'implosion et de libanisation comme c'est le cas aujourd'hui, et c'est vrai en Belgique, c'est vrai en France, et dans d'autres pays, fatalement, les Blancs vont devoir compter sur eux-mêmes. Vous ne pourrez plus compter, on va en parler dans la deuxième partie, vous ne pourrez plus compter sur les flics. Vous ne pourrez pas compter sur la gendarmerie, vous ne pourrez pas compter sur la police. D'accord ? Pour des raisons politiques. Ces gens-là recevront de toute façon des consignes. Puis de toute façon, vous regardez les profils ethniques des gens que vous trouvez dans ces organisations, il n'y a rien de rassurant. Il n'y a rien de rassurant. Quand vous aurez des gendarmes, parce que là maintenant, je vois ça, je suis assez frappé. Peut-être que ça vous inspirerait un commentaire, mais je suis frappé de voir sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, où il y a des gens plus âgés, il y a des pages spéciales de Funès. Je ne sais pas si vous connaissez ça, avec des extraits des films de Funès. Alors c'est très très bien, les gens sont nostalgiques, ils ont la nostalgie de la France d'antan, la France des années 60, des années 70, et ils regardent les gendarmes à Saint-Tropez, des extraits très très courts de films comme Les gendarmes à Saint-Tropez, etc. Sauf qu'on vous présente une gendarmerie et un gendarme local qui n'existent plus. Vous n'avez plus Galabru au coin de dans la brigade. C'est pas ces gens-là que vous avez de plus en plus. Maintenant, vous avez des gens marrons. Et ces gens marrons, ils n'en pensent pas moins. On parlait tout à l'heure des procureurs communistes. Vous allez avoir des gendarmes marrons, hein, des gros nègres, des toufiques Ben Mokhtar. Ces gens-là, ils vont vous regarder d'un œil très bizarre. Donc il va falloir être vigilant. Voilà ce que je voulais dire. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose ? Non, mais on poursuivra après sur les fonctionnaires qui sont en train de service décoloré avec le harpon de l'éternel. Peut-être sur la nostalgie de la France de Funès, peut-être ça m'intéresserait assez d'entendre votre écho. Bah, c'est les boomers, quoi. Oui, les boomers, ils ont des groupes entre eux où ils se passent des vieux trucs. Alors, de Funès, c'est une chose. Il y a le dieu des boomers qui est Coluche aussi. Alors, ça, c'est insupportable. C'est... Des proches, les restos, machin, avec leur musique de merde, putain, les restos du cœur, enfin, c'est... Quelle merde, quoi. Si les Français en sont où ils en sont maintenant, c'est, je pense que c'est le succès des restos du cœur et des enfoirés, là, des artistes à la con qui chantent des chansons de merde. Est-ce que tu penses à Patrick Benguigui, par hasard? Ah non, mais à tout. C'est la soupe. C'est vraiment cette manière de faire la fête pour rien, de se montrer, des chansons absolues, d'une niaise de chez niaise. Quoi. C'est du niveau zéro. Tu vois. C'est de la mort à une de balle. Et voilà, c'est merveilleux, c'est l'apothéose. Et donc ça pourrit au moins deux voire trois générations, ce truc-là. Hein. C'est en train de se calmer parce que bon, les gens, ils en ont un petit peu plein le cul. Mais la vache, putain, vivement que ça crève, ce truc, hein. J'en peux plus. Hein. Bah, ils vivent dans une illusion et le problème, c'est qu'ils continuent à voter. Oui. À mal voter. Ah oui, ah bah oui. Évidemment. Évidemment. Bon, bah, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve juste après, les amis. Allez, à toutes. À plus, ouais. Je suis dans la police à Nanterre. Je suis brigadier, je travaille le jour. Je touche mon salaire de fonctionnaire. Le poste est juste en bas d'une tour. Les bougnoules nous jettent des pierres, nous balancent des frigidaires. Et même après 20 ans de carrière, en ayant fait preuve de bravoure, je suis même pas devenu commissaire. Parfois j'aimerais tout foutre en l'air, pouvoir revenir en arrière, même si au fond je suis quand même fier. De cet enfer et me réveiller un beau jour, un bon demi-siècle en arrière, et faire un peu comme mon grand-père. Lui, il avait un cœur de pierre, lui, c'était un vrai tortionnaire. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 39. Alors, deuxième partie qui va être riche, je veux le croire, tout simplement parce que l'actualité nous le permet. C'est bien évidemment l'attentat de la préfecture de police de Paris. Alors, en tant que tel, finalement, c'est pas la première fois qu'il y a un attentat en France, comme vous le savez. Hein. Bon, là, j'enfonce une porte ouverte. Et on a eu ces dernières années, alors je reviens pas sur les grands attentats, mais on va dire, bon, on a eu quand même quelques couteaux fous dans les rues, on a eu des véhicules un petit peu radicalisés, etc. Le dernier grand moment de réjouissance islamique en France, c'était l'assassinat du colonel Beltram, qui avait un petit peu déstabilisé la gendarmerie, qui depuis a compensé en recrutant encore plus de nègres et d'arabes. Merci d'ailleurs à leurs officiers francs-maçons, ça, c'est important d'être ouvert et tolérant. Et là, maintenant, ça se passe, alors pas n'importe où, c'est même pas contre des policiers en général, c'est vraiment au cœur de la préfecture de police de Paris, qui en fait est une juridiction à part entière qui a des pouvoirs tout à fait considérables que la plupart des Français ne connaissent probablement pas. Juridiction très prestigieuse hein, dans la police française quand même, avec donc des départements spécialisés dans la lutte contre vraiment le crime organisé de très haut niveau, etc. Enfin, des choses prestigieuses quand on est policier et qu'on veut vraiment faire une carrière accompli, c'est vrai que c'est un peu là que ça se passe, si on veut. Et ils ont notamment en charge, à l'évidence, la lutte contre l'islam radical, d'autant plus que, vous le savez, pour des raisons de démographie, l'Île-de-France est un des cœurs de l'islam radical en France. C'est très clair. C'est très politique aussi, puisque ça suppose d'avoir... l'islam radical suppose des liens, des implications avec des puissances étrangères, avec des systèmes de financement divers et variés, donc ça passe forcément par Paris à un moment ou à un autre, et il est évident que la préfecture de police de Paris a un droit de regard spécial, sinon privilégié, sur toutes ces questions. Donc, l'attentat qui a eu lieu il y a quelques jours, au cœur même de la préfecture, ce n'est même pas contre des officiers qui étaient en mission, c'est vraiment au cœur de la préfecture, et qui implique un officier du renseignement, c'est un tournant, on peut le dire, c'est un tournant qui a fait l'effet d'un séisme en réalité à l'intérieur de cette institution, et plus largement de la police, parce que si la préfecture de police de Paris peut être infiltrée, avec les conséquences que ça a, et on va en parler, et que l'agent infiltré peut, avant d'être neutralisé, assassiner 4 policiers, eh bien, ça veut dire qu'aucune juridiction de la police française n'est théoriquement épargnée. Voilà ce que ça veut dire. Donc le symbole est très fort, d'où la réaction politique, et bon, l'état de choc, hein, même pour des policiers, je pense, très endurcis, et probablement beaucoup d'entre eux qui savaient que ça allait arriver. Ils le savaient, ils devaient être minoritaires, mais ils le savaient, et ils attendaient finalement l'échéance. Hein. Quand ça va avoir lieu? Est-ce que c'est en 2021, en 2024, en 2028? Est-ce que ça va être en 2019? Bon, la réponse vient de tomber. Voilà. Alors, la chose est d'autant plus cocasse, si tu veux, que ce n'est pas dans n'importe quel secteur de la préfecture de Paris que ça s'est passé. Oui. C'est dans le renseignement qui est en charge, en l'occurrence, de nous. Hein, de la droite radicale. Nos amis qui nous écoutent benoîtement à chercher des informations pour recouper, etc., etc. Et aussi des gentils musulmans de la paix, de l'amour, etc. Hein, donc qu'il convient de ne pas stigmatiser, faut-il le rappeler. Oui, ils sont plus français que nous, hein, déjà. C'est une évidence. Nous leur laissons ce torche-cul qui est la carte d'identité française sans problème, il n'y a pas de souci. Et donc, ça s'est passé là, donc... au cœur du renseignement français, le harpon de l'éternel a donc frappé. Ah oui, l'intercession a opéré. Écoutez, prophète, vous restez quand même cardinal de l'église de négrolatrie, donc c'est un titre quand même que vous ne perdez pas, mais vous êtes néanmoins maintenant prophète reconnu maintenant par nos auditeurs qui sont stupéfaits. La capacité d'intercession est sidérante. Moi-même, tout en la devinant, je ne la supposais pas aussi puissante. Et moi non plus, pour tout te dire. Ah, bon, les voies de l'éternègre sont impénétrables. Alors, messieurs, pour mesurer, nos auditeurs veulent savoir, veulent avoir plus de détails, parce que je pense qu'ils ont, ils n'ont pas pu leur échapper que les médias étaient très vaseux pendant 24 heures, 48 heures, ils étaient très, très mous. Hein. Les médias et le, alors, surtout le gouvernement. Alors là, oui. Le grand jeu d'acteur, oui. Christophe Castaner. Alors là. Pour le coup, il a joué le rôle de l'idiot du village. Il a dit, hein ? Ah de, oui, le alors, comment ? Moi ? Ministre ? Alors lui, non, lui, il vient de Fort-Calquier, si tu veux. Donc c'est provençal. Il y a une expression consacrée. Oui, tu l'as souvent. Oui, tu l'as souvent cité. C'est le ravi de la crèche. Hein, c'est le ravi de la crèche. Ouais, c'est. Ah bah là, il a. C'est le ravi. Il a occupé. Pleinement son rôle. Alors oui, monsieur Harpon, ben, il venait travailler, et puis après il rentrait chez lui, et puis bon, il allait faire caca de temps en temps quand même. Putain, non, mais mon Dieu, pauvre type, pauvre gars qui était. Bon, je sais pas si ça lui est venu tout seul de raconter ses conneries ou si on lui. Je pense que c'est Macron qui a dû. C'est Macron. Qu'est-ce qu'il a dû lui dire parce que, ah oui, non. Bon, il était perdu, le Castaner. Bah, c'est-à-dire qu'il vient d'apprendre qu'il était ministre de l'Intérieur à la faveur de cet incident. Il n'était pas du tout au courant. Ah ouais, il s'est dit, bon, je vais demander au renseignement ce qui s'est passé. Ah ouais, mais renseignement, les mecs se sont fait découper par un harpon. Quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Oui, Emmanuel, oui. Oui, c'est Christophe. Oui. Alors, je dis quoi, là? D'accord, je dis rien, ok. Non mais c'est ça, ça s'est passé comme ça. Hein. Non, mais c'est reconnu universellement, le type il a la pêche. Enfin, c'est un touriste, Castaner, c'est reconnu. Quoi. Castaner s'en branle du ministère de l'Intérieur. Il voulait juste le titre, ministre de l'Intérieur, mais il s'est jamais dit je vais m'emparer du ministère, je vais... assumer totalement les fonctions, suivre vraiment les dossiers à fond, je vais aller en profondeur, je vais vraiment m'y consacrer. Non, c'est pas du tout. Enfin, lui, il est politicien, si tu veux, il est juste venu pour protéger ses potes mafieux de la Côte d'Azur, là, et couvrir l'arrière-train du président, c'est tout. Il en a rien à carrer. Et ce que viennent d'ailleurs d'apprendre les fonctionnaires qui sont sous ses ordres. Alors, je vais lire quand même l'article du Parisien. Journal de gauche, mais qui a fait son travail sur ce coup-là, je dois bien le dire, et je lui en sais gré. Comme quoi on peut aussi faire les choses bien de temps en temps, y compris dans les médias. Probablement pour faire un petit... Franchement, hein, ça sentirait le coup de la gauche socialiste que je ne serais pas étonné. Mais enfin, bon... Non, bah oui. Non, mais il y a rien n'est jamais gratuit, quoi. C'est toujours pareil. Bon. Mais non, là, ça, c'est moi qui extrapole. Hein, Anne Hidalgo. Donc, alors, tueur de la préfecture de police de Paris, de nombreux indices de radicalisation. Alors, cet article tombe au lendemain matin de l'attaque, où toute la soirée durant, c'était un concours de « on sait pas, on n'est pas sûr, gare aux rumeurs, jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu parler d'eux, blablabla ». Alors, là, le lendemain matin, le Parisien publie la chose que je vais vous lire. « La justice enquête désormais sur une probable attaque djihadiste. » Les agressions au couteau commises ce jeudi à la préfecture de police de Paris, 4 morts et plusieurs blessés, sont désormais traitées comme un acte terroriste. Un séisme à l'échelle de l'institution policière, car cette fois, la mort est venue de l'intérieur. L'assaillant, Michael Harpon, 45 ans, était agent administratif depuis 2003. Selon les premiers éléments de l'enquête, et malgré plusieurs alertes sur une possible radicalisation après sa conversion à l'islam, un djihadiste en puissance était donc employé dans l'un des principaux services de renseignement français en pointe dans la lutte contre l'islam radical. Alors, c'est pas moi qui m'exprime, c'est le journal Le Parisien, journal de gauche, qui explique qu'on a affaire à un, je cite, « djihadiste en puissance ». Ce vendredi soir, après plus de 24 heures de flottement et de rumeurs, la section antiterroriste de la police judiciaire parisienne, mais aussi la direction centrale de la police judiciaire, ainsi que la DGSI ont été officiellement saisies de l'enquête par le parquet national antiterroriste. Les premiers indices étaient pourtant connus très tôt par l'administration. Il disposait d'une habitation secret défense. Le jour de la tuerie, l'une des victimes décline l'invitation à déjeuner de ses collègues. Ce major, membre de la DRPP, reste à son bureau. C'est là, au premier étage, qu'il est égorgé. Et là, on cite une source de l'enquête. Alors, voici ce qu'elle dit. Les autres victimes sont, elles, frappées au niveau du thorax avec acharnement. Donc, ajoute une des sources. L'enquête met très rapidement en évidence l'achat d'un couteau muni d'une lame de 33 cm en céramique, une matière non détectable par les portiques de sécurité. Alors là, je tiens juste à m'arrêter. Si vous vous en rappelez, nos auditeurs s'en rappellent nécessairement, ce détail a été rapporté par les médias progressivement sur les réseaux sociaux et en direct sur LCI et toutes les grandes chaînes d'information, BFM, etc. Et ils ont dit, oui, ça s'est déroulé, le crime a été commis avec une lame en céramique. Là, on est le soir des fêtes. Hein. Les grands médias ont précisé que c'était une lame en céramique. Et dans le même temps, ils disaient, oui, il avait eu un différend sentimental avec une de ses collègues. Alors, ça c'est très fort, parce que le détail disait tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le crime avait été commis avec une lame en céramique, déjà la lame, le couteau, bon, déjà ça voulait pratiquement tout dire, mais en céramique, ça veut dire que l'homme savait qu'il fallait échapper à la détection. Donc c'était signé, je veux dire. Et il disait un problème sentimental, un coup de folie. Ah non, qui implique le couteau en céramique veut dire, comment dirais-je, préméditation. Veut dire lucidité. Préméditation. Et si c'est un drame personnel, il n'a pas besoin de le commettre à l'intérieur, je veux dire, du bâtiment où c'est beaucoup plus dur, mieux vaut le commettre dans un cadre privé, etc. Donc ça tenait pas la route dès le départ. Mais comme le feu vert n'avait pas été donné, enfin parce qu'il n'y avait pas eu la fuite encore, donc comme le gouvernement disait, on fait de la rétention, il faisait de la rétention. C'est là que je m'arrête là-dessus parce que nos auditeurs peuvent voir en temps réel comment la désinformation ça fonctionne, comment le contrôle de l'information est géré en France. Si vous croyez que les journalistes sont libres, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Les journalistes répondent minute par minute à l'Élysée. Ils disent ce qu'on leur dit de dire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été débordés, alors pour le coup, par le journal Le Parisien le lendemain matin, parce qu'à mon avis, il y a des pots de bananes qui sont glissés à droite à gauche, en plus de la volonté des officiers de police concernés de parler, on va y revenir, mais sinon, même les trucs les plus aberrants, ils vont le dire, tant qu'ils n'ont pas le feu vert. Alors, je reviens donc à cet article. Michael H. se l'est procuré, donc le couteau en céramique, le matin même à proximité de la préfecture. Peu avant de passer à l'action, il a envoyé à sa femme un SMS évoquant cet achat. C'est un des éléments centraux qui fera basculer le dossier tôt vendredi matin. L'épouse, qui se trouvait toujours en garde à vue vendredi, aurait répondu en substance « Seul Dieu te jugera, Allahu Akbar ». Deuxième point central du début de l'enquête, l'analyse poussée du portable du meurtrier a démontré ses liens avec un prédicateur d'une mosquée du Val d'Oise connue de la DGSI. Michael Harpon, en charge de la maintenance des ordinateurs du millier de fonctionnaires du renseignement parisien, avait accès à des informations ultra sensibles, entre autres celles en lien avec l'islam radical. Il disposait d'une habilitation secret défense, situation qui impose une enquête administrative approfondie. Il disposait notamment des adresses de chaque fonctionnaire, s'inquiète un policier. Ces quatre dernières années, pourtant, le comportement de cet agent administratif avait plusieurs fois attiré l'attention. Sur procès verbal, lors des premières investigations, un des collègues de Harpon a indiqué qu'après l'attentat de Charlie Hebdo, qui avait fait 12 morts en janvier 2015, ce dernier s'était écrié « C'est bien fait !» Le 30 août de la même année, Harpon relayait sur Facebook un article jugeant que la France est classée en tête des pays les plus islamophobes d'Europe. Pour autant, il restait inconnu des services de renseignement, ces alertes n'ayant apparemment pas remonté. À la mosquée de Gonesse, ville où habitait Harpon, on confirme que l'assaillant de la préfecture de police venait y prier régulièrement, mais personne ne semble avoir détecté une quelconque radicalité. Le soir en général, parfois le matin tôt, mais jamais le vendredi en raison de ses horaires de travail, il était présent à la prière il y a encore quelques jours, affirme-t-on. Voilà. Ça, c'est pour les conditions donc, du drame. Je vais juste rajouter ça quand même, Le Figaro, qui, dans la foulée, je pense, a essayé d'un petit peu de prendre le train en marche. Voici ce qu'ils disent. Donc, c'est important. Attaque à la préfecture de police de Paris. Selon un témoignage, le tueur aurait crié « Allah Akbar » la nuit précédente. Donc, je vous livre aussi quand même cet article. Ce témoin, un policier de 35 ans, a recueilli les propos d'un voisin de Michael Harpon, policier lui aussi, qui vit dans l'immeuble du tueur. En fait, ils ont des immeubles en copropriété entre policiers, en fait, pour des raisons de sécurité assez évidentes. À Gonesse, dans le Val-d'Oise, un habitant qui vit dans la résidence de Michael Harpon, l'attaquant de la préfecture de police de Paris, qui a tué 4 fonctionnaires de police et en a blessé un autre grièvement, assure que, dans la nuit qui a précédé l'équipée meurtrière, le tueur a crié « Allah Akbar » à 2 reprises vers 3-4 heures du matin. Ce policier de 35 ans a recueilli ce témoignage d'un voisin de Michael Harpon, policier lui aussi qui vit dans l'immeuble du tueur. La résidence comprend de nombreux locataires issus des rangs de la police, selon le voisinage. Il m'a dit que jeudi matin, vers 3-4 heures, il a entendu crier à la Akbar. Par deux fois, cela l'a réveillé. Cette voix provenait de l'appartement de Michael Harpon, m'a-t-il assuré. Et c'est après l'attaque de la préfecture jeudi à la mi-journée qu'il a fait le lien avec ce qui s'est produit dans la nuit. Des voisins indiquent que Michael Harpon était converti à l'islam depuis plus longtemps que 18 mois. Donc en fait, de ce qu'on a su plus tard, il était converti depuis une dizaine d'années, en fait. En tout cas, il pratiquait depuis longtemps et fréquentait la mosquée de la Fauconnière à Gonesse. Un autre voisin, ex-policier de la préfecture de police de Paris, Jean-Paul Mazoyer, témoigne lui qu'il voyait Michael Harpon le matin très tôt en djellaba se rendre à la mosquée pour prier accompagné de 2 autres personnes. Alors, je vous invite à vous renseigner sur la mosquée de Gonesse, de la zone de la Fauconnière. Vous allez voir une magnifique prière de rue, c'est extraordinaire. Alors, bon, j'étais un peu au pas de charge, mais vous avez à peu près la situation globale. Article donc du Parisien et du Figaro, qui permettent d'avoir quand même une idée à peu près générale de la situation. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, les policiers parlent très vite. Parce qu'en fait, c'est une source policière qui renseigne le Figaro et qui renseigne aussi le Parisien. Donc finalement, les policiers se mettent très vite à table. Ils disent, oui, on le connaissait, il allait à la mosquée, il était en djellaba, il priait depuis longtemps, etc. Sans aucune difficulté. Or, visiblement, jusqu'à présent, ces informations qu'il communique sans vraiment faire de résistance sont passées par miracle sous les radars du service de renseignement pour lequel travaillait l'intéressé. Oui. Moi, je note quand même une chose, c'est qu'il avait été signalé que le harpon de l'Éternègre s'était réjoui par un cri. Oui, c'est bien fait. Il avait dit oui, c'est bien fait. Voilà. Oui, c'est bien fait là. Oui, c'est bien fait hein, en créole. Hein, Alors précisons quand même. Précisons que c'est un martiniquais. Voilà, c'est un créole, cette espèce de nègre, nègre un peu clair là. Non, c'est un français de souche. Oui, c'est vrai que c'est plus français que les Niçois et les Savoyards. Voilà, c'est un peu. Voilà. Et les Alsaciens. Donc, surtout les Alsaciens. Salboche. Des patriotes. Une grosse pensée à Pierre-Yves Rougeur. Oui, des patriotes insincères. Hein, c'est... Oui. Double jeu. Oui, duplicité. Alors que notre... finalement, ici, nous avons affaire à quelqu'un qui aimait la France et qui a été déçu. Voilà, c'est-à-dire que c'est un compatriote d'outre-mer, hein, comme les apprécie si bien la présidente du parti national presque East, Marine Le Pen, qui s'est mise donc à accomplir l'acte de Dieu. Hein, enfin. Oui, la révélation. Enfin, voilà, révélé, donc tuer des blancs, hein, c'est le principe. Ah oui, c'est le principe de l'islam et des nègres. Hein, oui. Il faut dire que ce créole était donc un musulman. Donc l'islam est encore une fois bannière des gens marrons, hein, d'où qu'ils viennent. Il a réussi à fédérer donc ce créole magique. Alors lui, il a quand même été converti par la chatte. Hein. Encore une beurette. Oui, une beurette sourde aussi. C'est-à-dire que handicapé. Alors, créole. Oui, non, mais ça, handicapé, c'est un peu à la base du Maghreb. Enfin, bon, ouais, non, mais créole, musulman, handicapé, nègre fonctionnaire. La vache, c'est. Ah voilà, ça, on n'a rien, hein. rien vu. Non, on a rien vu. Donc le type avait hurlé comme quoi c'était génial que Kouachi ait calibré les mecs de Charlie Hebdo et tout ça. Bon, ben, ça a été signalé, manifestement, la direction des services de renseignement. Bon, ça les dérange pas autre mesure, quoi. Un créole qui sort. Non, mais peut-être que le responsable manqué, il était peut-être sourd aussi. Hein, on ne sait pas, tu vois. Je veux dire. Oui, moi, je suppose qu'il est plus maghrébin que sourd. Oui, oui, non, mais. Bon, on l'a dit, hein, ces gens nous écoutent. Oui. Bon. Vous voyez, chers auditeurs, malgré vous, hein, comment vous êtes considérés par votre hiérarchie. Vous êtes une espèce de... Tu parles des policiers, là. Tu parles de... Oui, les policiers du renseignement en particulier, dont leur pont de l'Éternègre avait accès à vos noms et adresses. Je pense que vous qui nous écoutez benoîtement... peut-être que le danger qui fera de vos femmes des veuves et de vos enfants des orphelins ne vient pas de nous, hein, et il va venir plutôt des gens que nous n'aimons pas, nous, ici, à démocratie participative. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Ça peut être vous intéresser, vous servir. Hein. Je pense que Christophe Castaner s'inscrit en faux, Fulbert. Oui, je voulais dire, c'est quand même une histoire qui est quand même grave et sur laquelle les journaux, naturellement, les journaux ne pointent pas suffisamment le doigt. C'est qu'il y a une complicité dans la pyramide. Je ne sais pas, est-ce qu'on connaît le grade de ce type ? Oui, était-il un membre des forces de l'ordre en uniforme, en civil ? Parce que fonctionnaire, finalement, ce n'est pas très précis. Vous avez une idée là-dessus ? C'est un technicien dans la maintenance... agent administratif. Ce qu'on sait, c'est que ce type était habilité secret défense, c'est-à-dire que les informations qu'il devait, avec lesquelles, qu'il avait entre ses mains, ouais. étaient relevaient de la sécurité nationale. Et il y a une précision quand même dans ce qu'il dit, c'est que ce technicien, tout technicien qu'il soit, avait entre ses mains la supervision. Du millier d'Ixit d'ordinateurs du renseignement de la préfecture de police de Paris. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ben oui, mais ce que je voulais dire, c'est ceci. C'est que, bon, moi je n'ai jamais été dans l'armée française, mais dans une armée qui ressemble très fort. Lorsque tu as une habilitation de sécurité, surtout lorsqu'elle est élevée, c'est que tu fais partie du corps. Parce que, par exemple, un technicien qui est, comme nous on les appelle en Belgique, la main-d'œuvre civile, donc qui est un personnage, un élément extérieur au corps, cette personne n'a pas d'habilitation, mais elle est accompagnée, lorsqu'elle travaille, par des gens qui, eux, ont l'habilitation. Vous me suivez ? Non, c'est bien un policier. C'est bien un policier. Il appartient à la police. C'est pas un prestataire de service, si tu veux. Ça, c'est très clair. D'accord. Bon, on ne connaît pas son grade. Première chose, parce que moi, j'ai vu des articles comme tout le monde. Je n'ai pas vu qu'on parlait d'un grade quelconque. Je crois que apparemment c'était juste un technicien, hein, technicien, mais informatique du coup. Ouais, mais en grade, ça se traduit forcément par un grade. Mais on ne le sait pas. Ah oui, oui. Tu vois ? Bon, maintenant. Il faut voir s'il est officier, s'il était sous-officier, probablement. Dans quel service, qui était son chef de service, qui est son chef de département. Et on a toute une hiérarchie comme ça, jusqu'au préfet finalement. Or, tous ces gens-là ont laissé un marou, si je puis me permettre, s'installer, avoir une habilitation... qui signifie qu'on a confiance en lui jusqu'à très haut niveau et on le laisse faire ce qu'il veut. Outre les ordres qu'il reçoit, le travail qu'il effectue, le type, il sait grignoter à gauche, à droite des informations que normalement, il est tenu par serment de ne pas révéler. Bon, lorsqu'on tient compte de tous ces événements, et j'ai été très superficiel, cela implique une complicité objective de toute la hiérarchie. Vous prenez ça comme vous voulez, mais c'est ainsi. Oui, donc ton point de vue, Fulbert, c'est qu'il est impossible que ce soit un malentendu, on savait pas, l'information n'était pas remontée. Toi, tu dis non, ça c'est bullshit, c'est des conneries, le type était identifié, il a été signalé, c'est la hiérarchie qui n'a pas voulu sciemment prendre de mesures. C'est ce que tu nous expliques. Je soupçonne que, pour se couvrir, parce que dans toute organisation en uniforme, c'est-à-dire force de l'ordre, armée, il y existe le système qu'on appelle le parapluie. En fait, ce parapluie apparaît parce que le système lui-même est hiérarchique. Donc on se protège à tous les niveaux des retombées, des reproches qui pourraient venir de l'échelon supérieur, et on essaye d'éviter les problèmes qui viennent de l'échelon inférieur. C'est le principe du parapluie. Je soupçonne fortement que à tous les niveaux, on ait laissé se placer des individus complètement pourris, dont on sait qu'ils sont pourris, et qu'on a déployé le parapluie pour, un, ne pas être accusé de racisme, deux, ne pas être soupçonné, carrière oblige naturellement, de ne pas suivre ce qui est confusément souhaité par la hiérarchie, et que tous ces gens ont fermé les yeux pour protéger leur portefeuille, je dirais, leur situation, leur carrière. Et en fait, pour cette raison, quatre d'entre eux ont perdu leur couille. C'est ça que je veux dire. Alors trois, puisqu'il y a une qui est une bonne femme, en fait. Oui, oui, t'es sûr que c'est qu'elle ne s'était pas fait greffer, parce que c'est la nôtre pour le moment. Alors, précisons que, en fait, il y a un phénomène aussi très intéressant dans cette histoire, c'est que la presse étrangère a suivi ça de très très près, notamment la presse britannique. Je crois qu'il a envie de régler quelques comptes avec le gouvernement français sur fond de Brexit un petit peu tendu. Je pense que là, il y a des retours d'amabilité. Et elle est très bavarde. Et je comprendrais aussi une chose, c'est que comprenez une chose, ça pourrait être intéressant à analyser, c'est que finalement, quand on est un flic français, qu'on a envie de parler, parce que quand même l'histoire a laissé quatre collègues sur le carreau quand même, c'est grave ce qui s'est passé. C'est pas quatre collègues qui sont morts dans une fusillade dans des conditions qui sont prévues, attendues dans le cadre d'une fusillade, vous comprenez. C'est comme dit le Parisien, la mort est venue de l'intérieur, c'est là où c'est censé, la confiance est censée régner, la sécurité est censée régner, et où on est tous censés justement, c'est le principe élémentaire de la police, de protéger son collègue. Or, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est le collègue qui a apporté la mort. La mort n'est pas venue de l'extérieur, elle est venue de l'intérieur. C'est une inversion complète. Donc, dans ces circonstances-là, on a quand même envie un petit peu de parler. On a envie de passer à table. Et je crois que c'est ce qui explique la rapidité avec laquelle les informations sont sorties, ce qui est très, très inhabituel. En fait, quand le gouvernement est impliqué, parce que c'est ça, hein, l'implication, la responsabilité politique du gouvernement est sur la ligne. D'ailleurs, Édouard Philippe a répondu, Castaner a répondu, circulez, il n'y a rien à voir. Donc les Français peuvent aller à la pêche, ils peuvent aller au cinéma, leurs responsables politiques entendent rester des irresponsables jusqu'au bout, pour une fois qu'ils font preuve de ténacité, c'est à souligner. Donc quand on est un flic, quand on a envie de parler, si on peut tomber sur un micro de médias qui sont quand même réputés pour être assez établis dans des pays étrangers, alors ainsi du Daily Mail, messieurs, qui dit que le harpon de l'éther nègre était lié à Al-Qaïda ou l'État islamique, et de toute façon à un groupe islamique organisé. Cet oiseau-là se convertit à l'islam. Ça devrait déjà attirer l'attention d'un certain nombre de personnes. Ça avait d'ailleurs attiré l'attention de ses propres collègues qui cohabitaient avec lui dans son immeuble, qui la voyaient déambuler en djellaba. Vous croyez que ses collègues n'ont pas signalé ces faits et gestes ? Dans une institution, on fait des rapports sur tout et n'importe quoi à longueur de journée ? Bien évidemment que si. Enfin, moi, j'ai quand même remarqué que le voisinage était très nègre dans ce... Oui, non, mais certainement, mais ça n'enlève pas au fait que, si tu veux, ils l'ont vu, ils l'ont observé, et ils l'ont noté, et ils en ont parlé. Ils ont dit, oui, on l'a vu aller en djellaba, ce qui veut dire qu'eux ne le faisaient pas. Donc déjà, ils l'ont remarqué. Ça a été passé par pertes et profits. Ça a été passé par pertes et profits. Donc, en fait, ce type était repéré depuis un bon moment. Et donc, les collègues qui ont peur, en fait, d'être balancés par les médias français à leur hiérarchie, parce que c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à un seul journaliste. Ce sont tous des agents politiques du système. On l'a vu à la faveur des Gilets jaunes, hein, je veux dire. Ben, quand on a un flic... Il y a plus de garanties quand on parle à un média britannique que quand on parle à un média français. Et par effet de boomerang avec l'Internet, l'information revient illico presto en France, et c'est kif kif bourrico. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on a su que Toto était affilié à un groupe armé, organisé, musulman. Donc le gars, ça faisait des années qu'il pratiquait l'islam, ce qui est bizarre pour un Antillais quand même, je veux dire, qui serait converti comme ça. Il est maqué avec une beurette, il tient des propos bizarres, et au final du final, une petite lecture de son téléphone portable, et on découvre tout de suite en fait que le type, il est totalement en connexion avec un groupe organisé. Écoutez, il y a un problème, et un très grave problème. Et ce type-là, depuis 2003, il est au sein du système. Alors là, je vous pose la question, là c'est de la prospective. Bon, de toute façon, ici, on est au Café du Commerce, donc on se permet des libertés qu'on se permet au Café du Commerce, c'est bien normal. D'après vous, Toto, donc Michael Harpon, d'après vous, est-ce qu'il a été bavard, très bavard, ou très très très très bavard avec ses amis musulmans ? Je vous pose la question. Il était déjà très bavard, vu tout ce qu'on sait, tout ce qui avait été constaté par ses collègues. Sans parler, il avait déjà été très bavard. Alors, il ne faut pas demander pour le reste, hein, avec ses amis et complices. Bonsoir. Ouais, il est de notoriété publique que la retenue est un qualificatif qu'on emploie très souvent chez les nègres. Hein. C'est oui, c'est des gens qui... La discrétion. Discrets, qui gardent tout pour eux. On les entend pas. D'ailleurs, on a eu le droit au traditionnel reportage de BFM TV, de toute façon d'une télévision d'État, pour dire... Mais, t'es gentil, calme, oui, posé. Ah, oui. c'était des nègres qui disaient ça. Hein. Oui. Des nègres, oui. Ou des bougnoules. Non, alors là, il y a quand même. Je crois que c'est. Mais c'est un peu la règle parce que. Ça a dû t'échapper, cher Gandalf. Il me semble que c'est France 3 qui a évoqué cette thèse. Comme Harpon de l'éternel nègre aurait été en fait. Frustré de ne pas pouvoir avoir un avancement suffisamment rapide du fait de son handicap et que une discrimination serait à l'origine du différent. Bah écoute, France 3 s'il vous plaît, France 3, hein, oui, le parti, oui, communiste, la télévision, voilà, du parti communiste. Bah écoutez, c'est une analyse que je ne jetterai pas tout de suite à la poubelle. Je retiendrai. Je jetterai d'abord les marxistes. Après. et après l'analyse qui va avec. Oui, c'était avant qu'on sache tout le reste, quoi. Non, mais. Non, mais même là, récemment. Ils ont sorti ça hier. Oui, c'est jamais. Prolétariat. Attends, ils ont toujours pas assumé le goulag. Alors que le truc est. Bon. Donc, oui, pourquoi assumer la protection. Qu'ils offrent. C'est merveilleux. Quand même. La France est un pays magique, quoi. On a fait ce, ah oui, c'est le bon terme. Ah oui, oui. Là les médias, le gouvernement, tout le monde est. Ah bah là, ils se sont fait poisser comme jamais un gouvernement s'est fait poisser les mains dans la merde. C'est pour le coup apocalyptique. Hein. Ils ont. Au sens de la révélation. La révélation. Pour les normies, en tout cas. Hein. Bon, nous, on le savait déjà. Mais là, c'est là, bon, c'est quand même étrange que la réalité ressemble très portée à ce que décrit l'extrême droite. Effectivement. Hein, c'est bizarre. Hein, je pense très fort à Skolovitch qui encore récemment disait pique-pendre des islamophobes. Oui, alors simplement pour sur le détail de la, comment dirais-je, est-ce que Michael Harpon aurait transmis des informations, alors là je pense que si vous voulez, les renseignements français, si vous voulez, vont passer le choc, hein, sont en train d'éplucher son téléphone portable, le voisinage, mais dans un état de désespoir complet pour savoir l'étendue du drame en fait. Combien de noms ont été transmis, d'informations personnelles, de photos, de dans quelle proportion, si vous voulez, hein, en sachant que le type a eu tout le loisir d'effacer des traces par ailleurs, etc. Enfin, c'est oui, bon. Oui, oui, donc sûr, avec une inconnue qui restera toujours. Bon, moi, si vous voulez, je pense qu'il faut toujours partir du pire comme hypothèse. Comme ça, on est tous d'accord. Et si le meilleur advient, ben ce n'est que mieux. Je pense tout simplement que déjà, si vous voulez, il a forcément renseigné tous les islamistes radicaux qui étaient fichés sur l'état de leur fichage. Il a bien évidemment balancé tout l'organigramme de l'antiterrorisme français qu'il pouvait connaître aux intéressés. Les noms et adresses, surtout. Le nom et adresse. Probablement d'autres choses dont nous n'avons pas connaissance, est-ce qu'il y a des moyens d'espionner, de pénétrer dans les systèmes, etc. Toute une série de choses, les téléphones portables, voilà. Vous pouvez imaginer. Et donc, si vous voulez, là, la grande inconnue, c'est tous les policiers français qui s'occupent actuellement de surveiller comme le lait sur le feu nos amis musulmans intégrés mais pratiquants, est-ce que, si vous voulez, dans un an et demi, en rentrant du boulot, ils vont pas tomber sur un type qui va leur couper la tête en sortant de leur bagnole? C'est, en gros, c'est ça. Bah, la question est posée et la réponse, on l'a pas. Et violer leur femme, hein. Et violer leur femme et gorger leur gosse aussi. Tant qu'à faire. Alors, la jurisprudence, c'est Magnanville dans le domaine. Ah oui, vous connaissez le bébé, hein, c'est ça? Tout à fait accidentellement. Oui. Oui, je c'est parce que voilà, les flics sont arrivés. Donc, mais alors Magnanville, rappelez-vous, ce couple a été assassiné d'une manière absolument atroce, un couple de policiers, dont un commandant. On ne parle pas d'un gardien de la paix. Commandant, c'est un officier de police, a été assassiné. Tous les policiers qui nous écoutent aussi peuvent méditer sur toute la considération que les autorités politiques ont à l'égard de ces deux policiers qui ont été assassinés. Je pense que grosso modo ils s'en foutent, hein, très clairement. Même ils gênent un petit peu. Leur photo traîne. Ça n'est pas vraiment acceptable compte tenu de la narration que l'État français souhaite imprimer au peuple. Hein, on était un petit peu occupé, on va en parler, un peu occupé à virer Zemmour des médias, ça tombe mal. Oui. Voilà, bon. Et donc, la jurisprudence Magnanville, c'est que en l'état actuel de l'enquête, les autorités ne savent pas du tout comment le domicile des deux flics a été trouvé. Ils savent pas. En l'état actuel de l'enquête. Ou de ce qu'on veut bien en dire, mais. Oui, est-ce que peut-être dans l'enquête, est-ce qu'un Antillais n'aurait pas. Non, mais voilà. Ou d'autres, parce que bon, là, on parle d'un Antillais, mais en fait, il y a des enquêtes, là, des chiffres qui sortent maintenant, comme quoi, rien qu'à la préfecture de Paris, il y aurait une quinzaine de fichiers. Enfin, pas de fichiers, de radicalisés qui sont identifiés. Oui, donc ça fait 40 qui ne sont pas. Oui, enfin voilà, donc ça c'est 15 sur la préfecture, et sur toute la France, il y en a aussi une bonne pelle. Hein. Oui, une bonne pelle. Ouais. Donc oui, ça c'est ceux qui sont identifiés, les autres qui effectivement ne le sont pas. Et le contrôle, on a vu un député, je crois que c'était un député de droite, enfin bon. Espèce de type absolument paumé, quoi, hein, qui disait voilà, il y a un contrôle tous les 5 ans. C'est vite fait, quoi. C'est l'enquête de voisinage. C'est simple, c'est un système. La police française, le modèle, le format de la police française n'est pas préparé pour faire de la contre-insurrection. Nous sommes dans une contre-insurrection. Bah, c'est même pas ça, c'est que j'ai envie de... De ce qui sort, de ce qui n'a jamais été fait depuis que... Enfin, rappelle-toi, à l'époque de Charlie Hebdo, t'avais une nana qui avait été identifiée parce qu'elle couchait avec un islamiste. Oui, gendarmette. Au renseignement toujours, hein, renseignement, oui. Au niveau des gendarmes. Hein, donc, rien n'a été fait. Rien. Ça, que dalle. Parce que discrimination, parce que ci, parce que là. Donc ces gens-là ont toujours leur habilitation de secret défense, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas du tout étonnant. C'est-à-dire qu'on ils a ne disent pas des choses racistes sur Internet. Effectivement, voilà. C'est, donc, en gros, la doctrine du système politique français est la suivante. Le problème en France est posé par les Blancs, est posé par les Français de souche. Les Français sont le problème. Ces gens, donc les Français, sont racistes, sont xénophobes, certains d'entre eux du moins, et leur réaction xénophobe face à l'immigration, qui n'est pas remise en cause, hein, notez-le bien, alors que c'est un phénomène totalement anormal au regard de l'histoire, dans le temps long, ces Français qui ont des réactions épidermiques posent problème. Donc on les surveille, on adopte des mesures législatives, regardez tous les partis du système, hein, tout sans exception, oui, il faut surveiller Internet, oui, il faut traîner en justice les Français qui en ont marre de l'immigration, oui, il faut les mettre en prison, etc. Les juges rouges, un auditeur en a parlé encore en début d'émission, poursuivent, etc. Pourquoi ? Bon, parce que finalement, ils ont des amours un peu particuliers, hein, comme vous le savez, hein, surtout au niveau anal. Donc, ils mettent beaucoup de zèle là-dedans, les musulmans, nos amis d'Aînés. Et finalement, comme je le disais un petit peu avant, les Français sont à la portion congrue, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, toute la doctrine gouvernementale, la doctrine policière, est à mille lieues de ce qu'il faut faire. C'est à mille lieues. C'est-à-dire que l'ennemi n'est pas identifié. Qu'est-ce que vous allez faire dans une guerre où vous identifiez l'ennemi comme un ami et l'ami comme un ennemi? Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Vous allez tirer contre votre propre camp. C'est ce que fait aujourd'hui la police, c'est ce que fait aujourd'hui la magistrature. Elle tire contre son propre camp. Je parle là des institutions, je ne parle pas des magistrats. Les magistrats savent ce qu'ils font, ils sabotent, ils savent pourquoi ils le font. Je parle de l'institution, c'est-à-dire que la justice en tant que telle devrait défendre les Français de souche, elle fait l'inverse. La police française devrait défendre les Français, elle fait l'inverse. Voilà, parce que l'antiracisme, parce que ces idéaux magnifiques, là, de la tolérance, etc., qui aboutissent, hein, à des flics égorgés en pleine préfecture. Comme les politiciens sont des lâches consubstantiels, c'est-à-dire ontologiques, c'est leur vocation, ces types-là, dès qu'il y a un pépin, ils laissent les flics se démerder, ok ? Voilà, et les flics n'auront jamais de soutien. C'est les flics, le filet de sécurité des politiciens, pas l'inverse. Donc quand il y a une tuile... Quand les flics regardent les politiciens en espérant un secours, une main tendue, un sens de la responsabilité, ils vont se faire foutre. Ils vont se faire foutre. Et tant pis si ça coûte des macavés. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les autres? D'accord? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Rien à foutre. Castaner, vous croyez qu'il en a quelque chose à foutre? Il n'en a rien à foutre, Castaner. Il s'en fiche. Il s'en fiche complètement. C'est pas son problème. D'accord? Il passe au ministère, il fait carrière, il coche les cases, il protège ses petits copains. Du grand banditisme, il protège Macron, et quand il a fait ça, il repasse ailleurs, il s'en fiche, il est protégé, d'accord ? Et les flics, ils comptent les points, et maintenant ils comptent les Maccabées. Oui, enfin, alors les ça leur fait comptent, bizarre. Ils comptent leur maître, c'est bon, de ce qu'on voit là. Non, mais il n'y a pas de hasard, mais ce que je veux dire simplement, c'est que les policiers là rentrent dans une phase, si vous voulez, d'interrogation profonde. Parce qu'on veut bien servir un pouvoir dont d'ailleurs la légitimité est fondée, je veux dire, ok ? Et ensuite, oui, il y a des aléas, oui, il y a des problèmes, oui, tout le monde n'est pas irréprochable, mais bon, grosso modo, ça va dans la bonne direction, en tout cas, vaguement. Là, non, ok ? Là, non, là, plus du tout. Ça va même plutôt dans la direction inverse. Maintenant, c'est carrément direction l'Arabie Saoudite. Alors, ça commence à faire bizarre. Mais il n'y aura pas de réaction. Moi, j'entendais, il faut faire des réactions des commissions d'enquête parlementaires. Mais bien sûr que le gouvernement va faire une commission. Les commissions ne font rien. Bien sûr. Une commission, c'est de calmer les gens. On se réunit, on palpe du fric, on bouffe comme des cochons, hein, il faut le dire. Et puis au final, on pond un truc, et puis ça ne fait rien. Ça ne fait que dalle. Bien évidemment. Commission d'enquête, il y a eu, après Charlie Hebdo, Avec l'histoire du renseignement, bah, oui, et puis quand les flics qui sont arrivés sur la situation de Charlie Hebdo, quand les types ils ont lâché des informations intéressantes, ou quand les parents, savez-vous que Patrick Jardin, un des pères d'une victime, quand il a parlé, lui il a commencé à parler, tous les autres ont fermé leur gueule, je les comprends. Hein, vous avez perdu un proche, un gamin, une femme. Bon, bref, vous êtes de toute façon, vous êtes déjà à demi mort, donc vous n'avez même pas envie de voilà. Lui, il a eu le courage de se rebeller et de mettre carte sur table. Bon, vous savez ce qu'a fait ce pouvoir pourri, cette république de juifs ? Ils lui ont collé un harcèlement fiscal sur le dos. Ils ont été jusque là. Non seulement ils l'ont suivi, non seulement ils l'ont poursuivi, mais en plus ils ont mis des contrôles fiscaux sur le dos. C'est-à-dire que tous les recours de cette république judéo-maçonne jusqu'au trognon, ils lui ont mis sur le dos. Vous voyez, un type qui a perdu la chair de sa chair, je sais pas, un homme blessé, un homme brisé en réalité, un homme brisé qui va porter son malheur jusqu'à la fin de ses jours. Vous comprenez, il crie son malheur. Moi j'ai vu un papier repoussant d'Askolovitch, ce sale juif là. Crachant sur le père ayant perdu sa fille. Moi, je vous dis, en France, l'état d'ambiance actuel, c'est beaucoup trop pacifique. Il y a des gens en France qui s'expriment à la légère. À commencer par les journalistes juifs. Ces gens-là parlent trop légèrement. Ils disent beaucoup de choses. Parce que parler pour eux, c'est gratuit. Et il n'y a pas de conséquences, d'après eux, à leur parole. Je pense qu'on changera d'ambiance en France quand, pour chaque parole d'un journaliste juif prononcée, il y aura une réponse dans la réalité. C'est ce que je veux dire. Et quand j'ai vu ça, voir le Patrick Jardin, qui a perdu sa fille au Bataclan, se faire traîner dans la merde, par une chure juive comme Askolovitch, j'ai pas compris, mais j'ai apprécié avec plus de profondeur l'action politique de certaines personnes par le passé, dont je ne vais pas citer les noms, mais qui a très certainement marqué au fer rouge la communauté qui se prétend élue par Dieu. Je crois qu'il faudra probablement y revenir. Parce que si on en est là, dans cet état de... Je veux dire, on a affaire à une population qui se fait buter et qui ne bouge pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est terrorisée par ce que va dire la presse juive. Oui, il y a ça. Et pour le cas particulier du renseignement, on a des gens... ça ne te semblera pas incongru qu'il n'y a aucune personne d'extrême droite qui ait pu passer le filtre pour avoir une habilitation secret défense dans ces services-là. L'islamiste le peut, et bon, et effectivement transmet toutes les informations qu'il a à transmettre. Donc on a des services qui sont vulnérables à la merci de l'étranger. J'ai envie de te dire que les services de renseignement et même de police en général sont mûrs pour une transition. Un pouvoir qui soit, ma foi, en rapport avec les enseignements du calife al-Baghdadi. Hein. Là, de toute façon, là, pour moi, bon, ça c'est à vue de nez, mais on arrive à un carrefour, parce que les choix vont devoir être faits. Les politiciens ont déjà fait leur choix, ils ont fait le choix de la trahison. C'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Donc ils trahissent. Donc leur choix, c'est les valises de billets qui viennent du Golfe. Donc, je ne sais pas si des policiers et si nos auditeurs se posent encore des questions là-dessus, eux, ils suivront l'argent. Ce sont des gens qui n'ont pas de prix, enfin, je veux dire, ils n'ont pas de valeur, donc on les achète avec trois fois rien. Donc, les Bédouins les achètent avec trois fois rien, etc. Bon. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence dans ce qui nous attend ? Ce sont des gens qu'on ne peut pas acheter. Et des gens qu'on ne peut pas acheter, c'est très simple, c'est des gens qui ont des convictions. Ça, c'est des gens qui placent la valeur des choses... dans la partie morale de l'homme. C'est là que ça va se jouer. C'est est-ce qu'on va trouver des hommes qui auront les qualités morales nécessaires pour empêcher la catastrophe. En attendant, on aura ça. On aura des gens, si vous voulez, et qui tombent des nues. Moi, je suis frappé de voir les policiers un peu se... Bon, alors, ils ne peuvent pas trop s'exprimer, mais je veux dire, j'imagine que, si vous voulez, surtout ce qui a dû vraiment les scier, c'est que ça se passe dans la préfecture, parce que c'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Alors, le bâtiment, ils le connaissent tous, ils y vont tous, enfin, les fonctionnaires concernés. Alors, ils connaissent la porte A, la porte B, puis finalement, ils connaissent par un biais, par un autre, pour des raisons professionnelles. Oui, il y a un tel qui parle à un tel, etc. Donc, finalement, c'est un tout petit monde. Donc, la tuerie en question, ça fait trembler les murs. Et pour eux, si vous voulez, c'est presque un monde qui s'écroule. Il faut comprendre ça, psychologiquement. C'est presque un monde qui s'écroule. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas continuer. Si, demain, ils retournent au boulot, ils sont retournés au boulot, ils continuent comme avant, etc. Mais il ne faut pas croire que ça ne laisse pas de traces. C'est une cicatrice profonde. D'accord ? Et du coup, ils vont attendre une réponse, en fait, parce que les gens les regardent, et en fait, eux regardent ailleurs. Ils se disent... la réponse doit venir du régalien, doit venir du politique, et ça va venir d'en haut. On regarde toujours vers en haut. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que non, ils ont affaire à des gens médiocres qui sont pas là pour ça. C'est les Castaner, je vais vous citer Castaner, je vais juste citer Castaner dans le texte. Ça vaut quand même le coup. Je suis affirmatif dans le fait qu'aucun signe n'était apparu dans le dossier administratif de l'individu, laissant penser qu'il puisse être radicalisé, et je vous le redis, hélas, c'était aujourd'hui à la télévision qu'il a prononcé ça. C'est-à-dire, je m'en lave les mains, comme Ponce Pilate, je n'ai rien vu, je ne suis au courant de rien, si vous avez des questions à poser, il faut aller voir en dessous. Le parapluie commence très haut. Mais je sais pas, je veux dire, t'es un policier, tu mets ta vie, parce qu'il y a des policiers qui sont quand même... Parce que tous les policiers ne sont pas des gardiens de la paix qui se comptent, ou des CRS. Il y a quand même des types qui laissent vraiment leur vie. Je veux dire. Tu vois ça, tu comprends une chose. Tu dis, à part moi et mon collègue d'à côté, il n'y a pas grand-chose. C'est comme à Verdun, quoi. Hein, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, tu as le commandement très en arrière, et puis au final, ce qui va faire la différence, c'est toi et ton copain. Voilà. Ça, c'est la philosophie du gouvernement français, surtout. Surtout. Parce que ce qu'ils font là, et comprenez bien aussi ça, c'est la partie régalienne de l'affaire. C'est-à-dire que normalement, ces gens-là sont censés être proches du pouvoir. La préfecture de police de Paris, c'est une position, surtout le préfet, je veux dire, une position très politique. Les types ont quand même des dossiers sous le nez qui circulent, ils savent beaucoup de choses sur beaucoup de monde, les champs du showbiz, etc. Ils savent tout sur tout, en fait. C'est pas des flics que t'as vraiment envie de faire chier, tu vois. C'est des flics que t'as plutôt envie de caresser dans le sens du poil pour pas avoir trop d'histoires, trop de fuites. Et donc, ces gens doivent se dire, le minimum du minimum, parce qu'on nettoie quand même beaucoup la merde de tous ces gens qui dirigent, ça serait quand même bien qu'on ait une forme de considération. Et ils se rendent compte qu'en fait, que non, comme le dernier Français qui se fait saigner par un bougnoule pour une clope, ils ne valent pas plus. C'est-à-dire qu'au final, dans la hiérarchie des priorités du système, non, ils sont à bazarder comme les autres. Si jamais il y a un pépin, on les fout sous le train et on n'en parle plus. Castaner fait une apparition télévisée, il dit en gros, il y a un souci, allez voir en bas les sous-fifres, c'est de leur faute. Ça va faire méditer les policiers sur leur profession. Je pense que, à mon avis, déjà... Il y a 90% d'entre eux qui étaient déjà bien au fait de quoi ils retournaient, mais là, je pense, vu la matière, parce qu'on parle quand même de terrorisme musulman, de gens qui veulent vraiment assassiner des gens gratuitement, quoi. Ils vont se dire, merde, on est vraiment gouverné par des ordures, en fait. C'est un petit peu ce qu'on disait lors du premier, je crois, de Courrier des lecteurs. Hein. Enfin, en tout cas, dans la rubrique Courrier des lecteurs, le grand remplacement pour tout le monde. Hein. Pour c'était tout le monde. Départ. Ah, au départ, c'était les ouvriers qui se faisaient grand remplacer la gueule. Là, les cadres se rendent compte qu'ils se font remplacer par des Algériens. Et là, les agents du renseignement français se rendent compte qu'ils se font remplacer par des nègres créoles qui viennent les égorger comme des bons nègres qu'ils sont. Hein. Nègres musulmans, qui plus est. Ça ajoute un petit peu de piment à l'affaire. Hein, le petit piment là, qui va bien. Hein. Un peu de harissa dans tout ça. Oui, voilà. Donc, le grand remplacement pour tout le monde. C'est le grand remplacement démocratique, j'ai envie de te dire. Hein, et participatif. Alors que dans le fond, ces forces de l'ordre ont le moyen de changer l'histoire du plus petit au plus haut niveau. Au haut niveau, il ne faut pas compter dessus, ils sont déjà pourris, vendus. Par contre, imaginez un instant, maintenant on peut rêver, imaginez un instant, les flics ne bougent pas. Mais ils ne bougent pas non plus car il y a une manif. Vous avez les gilets jaunes qui continuent leur effort, ben ok, les gilets jaunes, ben on est là, on les regarde, on les laisse passer, et on intervient juste pour les casseurs, c'est-à-dire les antifas. Et on casse de l'antifa à mort, et on est intervenu. À votre avis, le pouvoir, il va tenir combien de temps à ce régime-là? Ouais, un mois, 6 ans du bol. 6 ans du bol, ouais. Parce que ça risque d'être très rapide. Ah oui, non mais c'est ça, les flics le savent, mais ils monnaient, c'est-à-dire que... ils ont ramassé 100 balles, voilà, c'est bon, ouais. C'est content, voilà. C'est des gagneuses, hein. Non mais c'est vrai, mais... C'est des gagneuses. Mais le truc, c'est qu'avec ça, ils ont réussi officiellement 130 euros par mois. Ils n'ont pas vu leurs heures supplémentaires, etc., tu vois, non, mais le pouvoir va les trimballer. Le pouvoir, il fait pas que trimballer. C'est ça, là où les flics, ils disent, mais nous, on est dans le régalien, on est dans le dur. Donc les types, à un moment donné, ils se disent, ouais, mais il va y avoir une hiérarchie dans l'encul, c'est-à-dire que le populo, il va se faire enculer, mais nous, on va quand même avoir le droit à notre morceau, etc. Non! Tout le monde se fait enculer. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'encul. Voilà, on te file 100 euros, peut-être pas, t'es pas sûr, peut-être, oui. La prime, bon, bah, c'est à voir, c'est à discuter, vous comprenez, les syndicats, tout ça est en discussion. Les politiciens, ils sont là pour vendre du vent. Donc, alors, les mecs, ils ont fait grève, rappelez-vous, il y a eu des mouvements de grève dans la police. Il y a 2 ans, ils avaient, hein, ça avait quand même bien bougé dans les commissariats, etc. Où ils en sont maintenant? Bah, ils en sont à un point pire qu'il y a 2 ans. Donc, à un moment donné, et vous savez, dans l'histoire d'un pays, on peut pas faire l'économie d'une révolution. C'est comme ça, à un moment donné, il faut une bonne diète et il y a du mauvais gras qui doit passer à la trappe. Point barre. Alors, les policiers, jusqu'à présent, ils servent aux politiciens à empêcher la diète. Moi, je pense que ça va faire son temps. Surtout que, bon, ils ont manifesté, c'était hier, avant-hier, je sais quoi, là, ou vendredi. Qu'est-ce que ça a donné? La peau. C'est les syndicats qui donnent le change, vis-à-vis de leur base. Les syndicats sont des syndicats... En fait, les syndicats, depuis très longtemps maintenant, on sait au moins une chose. Ils servent à contrôler les syndicats. Bien sûr. T'as totalement raison, Fulbert. Et c'est vraiment toutes les branches. Donc les flics, si tu veux, ils sont là. Ils ont leur boulot à faire. Ok, ils ont leur boulot. Ils ont la femme, les gamins. Il y a la belle-mère qui a un problème. Bon, déjà, ils ont tout ça, tu vois. Donc bon, mais ils espèrent quand même que ça, en gueulant un bon coup, que les syndicats ils vont. Mais non, ils sont là pour les canaliser. Bon, alors je sais pas jusqu'où il faut aller, mais. Bah, au bout d'un moment, de toute façon, là, c'est pas de l'ordre psychologique. C'est qu'à un moment donné, ça pètera. Quand ça coupera. Et quand ça coupera net, ça coupera net. Et là, le pouvoir, il sera à poil. Alors, par contre, il faut bien voir une chose aussi. On a l'extrême gauche, là, qui est en train d'essayer de vouloir faire de l'agitation. Quand le chat n'est pas là, toutes les souris dansent. Donc, c'est vrai qu'on a aussi tous ces marxistes qui ont qu'une envie, c'est que les Russes soient libres pour foutre le chaos. Mais après tout, pourquoi pas si ça déclenche dans l'opinion un profond sentiment de haine de l'extrême gauche, c'est bon à prendre, hein. De toute façon, tout ce qui peut alimenter la haine du communiste est à saisir, hein, de l'anarchiste. Oui, ben, j'ai envie de te dire, tout ce qui peut alimenter la haine en général est bon à prendre. Et bon à prendre, oui, c'est vrai. Bon, c'est la seule religion à laquelle je suis fidèle, exact. Le chaos et la destruction. Ah non, c'est la haine, tout court. La haine bien ciblée, tu vois. Ouais. Il n'y a pas d'amour sans haine, tu vois. Il n'y a pas d'amour sincère sans haine sincère. Mais c'est vrai. Il n'y a pas de haine sincère sans amour sincère. Messieurs, donc qui est bien, châtie bien. Alors messieurs, je vous propose de nous séparer, de nous dire à la semaine prochaine. Eh bien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.